Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 18. Déjà, ça passe vite. Rappel traditionnel de notre émission, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Donc si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez nous signifier un don que vous nous avez fait, si vous voulez simplement nous communiquer le lien vers un article ou une vidéo, n'hésitez pas, cette adresse est faite pour cela, bien sûr. Donc voilà. Je passe maintenant au deuxième point, qui est celui que vous connaissez bien, en tout cas que nos auditeurs réguliers connaissent bien, c'est celui des dons en crypto-monnaie. Si vous souhaitez soutenir le site, si vous souhaitez soutenir notre équipe et les émissions que nous faisons régulièrement, n'hésitez pas à nous faire des dons. Nous en acceptons exclusivement en crypto-monnaie, et plus particulièrement en une crypto-monnaie que l'on appelle Monero. Vous trouverez un guide explicatif pour nous faire un don sur la partie droite du site démocratieparticipative.me. Je rappelle aussi d'ailleurs, juste en passant, que le site est disponible en oignon Tor, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, là aussi c'est précisé sur le site. Donc vous pouvez nous faire des dons exclusivement en crypto-monnaie. Monero, pourquoi Monero? La plupart le savent, mais c'est parce que c'est la seule crypto-monnaie qui garantit l'anonymat des expéditeurs comme de ceux qui reçoivent le don. D'accord. Donc ça, cet anonymat ne peut pas être remis en question, c'est tout à fait clair. Donc c'est pour ça que nous utilisons exclusivement Monero. Plus généralement, comme on rentre dans une période un petit peu difficile au plan économique, apprendre à maîtriser les crypto-monnaies d'une manière plus générale, c'est quand même un plus. Donc je vous invite de toute façon à franchir le pas si ce n'est pas déjà fait. Nous avons reçu un don cette semaine, en tout cas une personne s'est manifestée auprès de nous après nous avoir fait un don, on la remercie, c'est Saint-Jean qui nous a envoyé 0,99 Monero. Donc on le salue au passage, merci, et merci à tous ceux qui nous font des dons et qui ne se manifestent pas, nous recevons des dons de personnes qui ne veulent pas être citées, donc à tous les anonymes, merci à vous. Je vais maintenant présenter notre équipe qui est réduite cette semaine, mais je pense que ça ne va pas nuire à la qualité des échanges. Je commence avec notre ami Fulbert. Fulbert, j'espère que tu vas bien après cette énième semaine de confinement. J'imagine aussi que tu as hâte d'en voir un petit peu la fin par chez toi. Je ne sais pas ce que tu as à en dire. Oui, bonjour Gandalf, bonjour à tous. Écoute, moi je suis, comme je l'ai déjà dit, je crois, je suis déjà confiné au départ, donc par moi-même, hein, je vis seul, isolé. Je sors pas beaucoup, je survis dans ma grotte. J'ai quelques petites obligations que je n'ai pas su remplir à cause de ce confinement. Mais bon, ça va se régler avant que la deuxième vague n'arrive, puisque tout le monde parle d'une deuxième vague. Je suppose que vous avez remarqué ça. Oui. Je l'ai remarqué comme toi. Est avec nous aussi cette semaine Diabolix. Il nous fait le plaisir de revenir dans l'émission. Comment vas-tu, Diabolix? Par chez toi. Toujours merveilleusement bien, Gandalf. Non, pas j'ai, une larme pour tous ceux qui sont cantonnés dans leur comment est-ce qu'on pourrait dire, leur appartement, leur garçonnière, les merveilleuses tours qui sont autour de Paris, à condition, enfin, j'ai une larme pour eux, à condition qu'ils soient blancs. Oui, bien sûr, tout à fait. Il faut préciser que notre ami diabolique, c'est quelqu'un qui a le plaisir d'être au contact de la nature, hein, et le privilège d'être au contact de la nature, donc... Eh oui. Eh oui. Et enfin, le cardinal de Négrolatrie est présent avec nous comme chaque semaine. Comment allez-vous, cher cardinal? Est-ce que cette semaine vous a paru riche en éternégritude ou bien c'est resté assez calme? Qu'est-ce que je saurais pas comment l'évaluer pour ma part. Je saurais pas te dire. Je crois que je suis même pas sorti chez moi de la semaine du coup. On n'a pas pu remplir vos obligations sacerdotales. J'ai même pas pu aller évangéliser la plèbe. Oui. Mais ça n'empêche pas de prendre la vitamine D. Pareil, comme diabolique, je suis au contact de la nature, donc je n'ai pas forcément besoin de sortir pour être dehors. Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Une petite précision, Gandalf. Mmh. Je crois que Derek sera d'accord avec moi. J'attends avec impatience le 11 mai pour pouvoir passer une commande de toute urgence via DHL, n'importe quelle compagnie de transport, pour pouvoir enfin déguster du pangolin. Je t'ai pas vu venir là, cette fois-ci. Alors, on va commencer avec la première rubrique, messieurs, hein, rubrique courrier des lecteurs. C'est un jeune homme, hein, qui nous écrit. Il nous donne d'abord son profil et ensuite il en vient au point qu'il voulait souligner. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, bonjour, chers camarades démocrates. J'aimerais présenter mon profil, car je pense qu'il pourrait faire écho dans le parcours des jeunes auditeurs. Étudiant diplômé en histoire, âgé d'une vingtaine d'années, célibataire par dépit de ce qu'est devenue la femme française contemporaine, issu d'une famille de la classe moyenne paupérisée de grande banlieue, votant pour la droite molle, je n'ai pas été politisé jusqu'à mon arrivée à l'université. Qui m'a vacciné à vie? Avant cela, j'étais même gêné par les propos de certains de mes amis ou de mes grands-parents qui employaient simplement le terme « nègre ». À la fac, tout a changé. J'ai découvert à la fois l'incurie de l'administration, l'impunité laissée aux gauchistes et à leur funeste idéologie, véritable maladie mentale, ainsi que l'existence de personnes qui voyaient et pensaient le réel comme moi, à savoir les droitards. J'en ai fait pour certains mes amis, même si désormais je sens que je les perds un peu sur les positions les plus radicales et la remise en question de certains dogmes. Je suis par exemple de ceux qui rejoignent le constat de Monsieur Bourbon, donc Jérôme Bourbon, hein, le rédacteur en chef du journal Rivarol, sur l'état des catholiques français et de cette extrême droite importée et cachérisée qui est tout bonnement insupportable. Concernant la situation actuelle, je suis assez consterné de voir que la préoccupation majeure de beaucoup de Français reste ce virus fantôme, et qu'ils en sont même agressifs, alors qu'une précarisation éclair des Français se précise avec, au bout, un risque de guerre civile. J'ai parfois l'impression d'aller beaucoup plus vite que les autres, qui font les mêmes constats a posteriori, mais qui me font passer pour fou à l'heure actuelle. Cela m'a beaucoup troublé durant mon adolescence, où l'on végète dans le moule nauséabond de l'éducation nationale, et où vous n'avez pas les armes rhétoriques pour répliquer à ces ordures de boomers culpabilisateurs, et donneurs de leçons, car eux, je cite, ont dû travailler à 14 ans. Cette situation est désormais révolue pour ma part, mais pour ceux qui en sont encore à se demander s'ils évoluent dans la bonne direction, je tiens à leur dire qu'ils ne sont coupables de rien et qu'ils peuvent se considérer, quelle que soit leur situation actuelle, comme des précurseurs, des prophètes, et que ceux-ci sont rarement écoutés jusqu'à ce que la merde arrive. Et alors là seulement, les gens se tourneront vers eux, car ils auront eu, eux, une longueur d'avance pour étudier les problèmes comme les solutions. Au début, critiqué pour mes propos racistes et antisémites, j'arrive désormais face à la déchetterie qui est devenue une partie de la France depuis l'arrivée de notre génération au monde, qui parmi toutes vos connaissances aurait pu prédire une telle turbo-dégénérescence, à convaincre peu à peu mes proches que ce que j'ai dit n'est pas que de la haine aveugle. Si je me suis éduqué politiquement comme beaucoup au début avec Soral et qu'il m'arrive d'écouter encore Radio Québec, le cercle Aristote, le cercle nationaliste français, donc ça c'est Ploncard-Assac si je ne m'abuse, hein, Téléliberté ou Le Média, donc ça c'est Vincent Lapierre, ils ne racontent pas toujours que des conneries, même s'ils sont pollués par leur logiciel marxiste républicain ou antiraciste. La vision la plus proche et la plus cohérente entre ce que je pouvais voir dans mon quotidien et ce que j'en tirais comme enseignement, c'est grâce à Démocratie Participative que je l'ai trouvé. C'est pourquoi je tenais à remercier l'équipe de DP pour l'ensemble de son contenu, véritable phare de l'information et de la liberté d'expression francophone, et à vous féliciter pour le nombre toujours plus grand d'auditeurs qui vous découvrent et vous suivent malgré la censure. Merci à lui de ses encouragements. Alors, il en vient maintenant au cœur du sujet qui a retenu son attention dans une émission précédente. Et en plus, ça a fait écho... Oui, on avait parlé de Ménard, c'était la semaine dernière. On s'en rappellera, la deuxième partie, on avait parlé de Ménard et de... Il avait fait une énième sortie sur, l'Holocauste. Enfin bon, vous savez quoi. Et on avait parlé, on avait expliqué à ce moment-là qu'effectivement, dans sa prise de parole à l'automne 2019, lors de la convention de la droite, qui avait été instigée par Marion Maréchal Le Pen, il avait dit à la tribune, devant le public, que la remigration, donc l'expulsion des étrangers, était complètement irrationnelle, que ce n'était pas sérieux, et il avait expliqué que ceux qui le pensaient n'avaient qu'à venir chez lui à Béziers, car il se ferait un plaisir de présenter parmi ses administrés ceux des Algériens qui étaient établis là depuis trois générations pour leur faire changer d'avis. Voilà, c'était le discours donc de Ménard. Et c'est ça qui a déclenché chez notre auditeur, notre jeune auditeur, ce courrier. Alors voici ce qu'il nous dit. « Vous avez, lors de votre dernière émission, évoqué le rôle des pieds noirs au sein de la société française. J'adhère totalement à l'analyse de Gandalf et je souhaite l'approfondir. » En effet, comme j'ai pu le remarquer au travers de certaines de mes fréquentations, ces pieds noirs sont perclus de leur mémoire familiale, s'estimant avoir été chassés du paradis terrestre, donc l'Algérie hein, en général, alors qu'ils étaient soi-disant en parfaite symbiose avec les indigènes. Si l'exemple type à droite est Ménard, à gauche c'est Mélenchon. En réalité, ils ne veulent pas admettre qu'il ne faisait qu'exploiter les ressources naturelles et financières de l'État, donc des Français de métropole, dans une économie soutenue par une main-d'œuvre corvéable mais inopérante, composée d'un amalgame d'autochtones maghrébins et de migrants issus de pays méditerranéens. Et même avec ces atouts indéniables, les colonies n'ont jamais été rentables. Une connaissance d'un certain âge m'a parlé de l'arrivée de ces pieds noirs en France. Donc il cite cette personne, qui d'après donc Pieds Noirs, qui était d'une arrogance crasse et qui attendait le nec plus ultra alors que beaucoup de familles françaises de souche n'avaient pas encore l'eau courante chez elles. Ce n'est étrangement pas ce que l'on voit d'habitude dans les documentaires avec ces fameux bidonvilles qui sont plutôt des familles ayant fui l'Espagne franquiste ou le Portugal de Salazar que des Pieds Noirs à proprement parler. Mais ne sont-ils pas confondants? L'OAS avait dit « Vous n'avez pas voulu de l'Algérie française, vous aurez l'Algérie en France ». Pour ma part, je pense que c'est ce qui est arrivé à notre pays. Si pour les plus anciens, il y a encore de la rancœur contre les musulmans, les dernières générations semblent avoir vite oublié qui les a pourtant chassés de leur pays, entre guillemets, et prônent pour certains, en voyant l'état racial actuel de la France, une accommodation avec les musulmans et autres importés des colonies. La rancœur contre la métropole, accusée de les avoir abandonnés, contre De Gaulle et par proxy contre les Français de souche, reste au contraire vivace. Ces gens-là sont persuadés de pouvoir reconstituer sur notre sol une société française cohérente en s'appuyant sur l'ancien mirage républicain de l'Empire colonial. Je pense également que toute cette merde a été favorisée par les anciens fonctionnaires coloniaux et cette bourgeoisie pied-noir, ainsi que les Français crémieux, ces intrigants, débarqués des colonies et de l'Algérie au moment des indépendances, répandre leur influence néfaste dans la métropole depuis les années 70 jusqu'à nos jours, avec leurs vieux rêves qu'ils sont venus reproduire chez nous pour notre plus grand malheur, en poussant à la guerre de tous contre tous, car c'est comme ça qu'ont toujours fonctionné les colonies, tout en ramenant en prime leurs anciens esclaves. Bonne continuation et courage à vous ainsi qu'aux auditeurs, et cordialement, le baron S. Alors, il a un avis très tranché sur cette question. Bon, moi, ça permet d'ouvrir un débat. Peut-être tout le monde n'est pas familier avec les pieds noirs. Moi, j'en ai connu. J'ai connu des gens aussi qui avaient fait la guerre d'Algérie, donc j'ai certaines choses à dire. Est-ce que, Derrick, peut-être tu connais... Je sais pas, je t'interroge, je sais pas du tout. Hein. Est-ce que tu connais la sociologie pieds noirs? Est-ce que tu en as connu? Est-ce que tu te retrouves dans ce qu'il dit de certains pieds noirs ou pas? Oui, il y a, enfin, bon, c'est pour ça que j'aime pas trop ces gens, quoi. Ils sont arrivés là à se plaindre, mais il faut toujours qu'ils soient entourés d'Arabes tout le temps. Oui, hein, ça c'est vrai, ouais, ça. Et avec leur couscous, ils ont des manières qui ont marqué, hein, quand ce n'est pas. Et t'as les manières et puis t'as le sang aussi, parce qu'il y en a qui ont quand même des gueules, c'est pas qui est... Il y a des enfants qui ont été, je pense, adoptés. Pied noir, c'est un nom générique, donc effectivement, il n'y a plus à avoir l'adoption, oui, des choses comme dans ça. Dans les pieds noirs, ouais. Non, c'est pas là, c'est pas l'adoption, c'est en général, enfin, soit tu as des blanches qui se sont fait trousser par des bougnoules, hein, ouais. C'est bon, voilà, et tu as aussi des trousseurs de domestiques, hein, ouais. Des hommes, voilà, il y avait le bébé, puis bon, on en a fait un peu, on l'a lavé, hein, on l'a blanchi par la République. Donc tu as des gens pieds noirs qui ont des noms très français, ouais. Et qui ont des gueules du Rif, hein, pas du Rif, hein, c'est pas Sylvain du Rif, hein, c'est du Rif, le Rif. Ça sent le web. Donc bon, il y a ça. Après, le point qu'a relevé notre auditeur est tout à fait pertinent. C'est-à-dire que cette économie d'Algérie en particulier était une économie sous perfusion de l'État français. Tout à fait. Des impôts des travailleurs de la métropole, hein, de France. Ceux qui ont fait des fortunes là-bas, etc., dans leur paradis, bon, effectivement, hein, en essayant de faire travailler des gens, faire travailler des bougnoules, bon, c'est une grande idée. Juste pour donner un chiffre, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant, on estime aux alentours de 1960, plus ou moins, que 20% du budget de l'État français, le budget de la France, partait en Algérie. C'était voilà, considérable. Vous comprenez pourquoi il y a eu des envies de décoloniser très rapidement. Hein, quand tu vois, c'est... Ben oui, c'est... Oui, tout à fait. Oui. Parce que de toute manière, si tu arrêtais toutes ces subventions, l'économie n'était plus viable et de toute manière, les blancs, entre guillemets, qui étaient là-bas, auraient très mal fini. Parce qu'ils ne pouvaient pas vivre là-bas. C'était pas viable. C'était leur modèle économique n'était pas viable. Il y a plusieurs choses qui nous disent. Hein. Donc, il y a à la fois déjà l'idée même en tant que telle, enfin, le concept de colonie en Algérie était un concept qui économiquement n'était pas viable, donc était voué à échouer, ce que contestent évidemment les partisans de l'époque de l'Algérie française et qui conservent cette nostalgie, vous savez. Bon, voilà. Oui. Et avec cette idée que c'était un paradis sur terre, ce qui a pu être vrai à l'échelle individuelle, hein, je veux dire, ça a pu bien fonctionner pour ça. Bah, le climat, un hiver très doux, hein, pour ne pas dire un printemps, hein, c'est un printemps qui dure 6 mois, des étés chauds, mais bon, ils avaient la côte qui ressemble un petit peu à la côte que tu peux avoir autour de Marseille, quoi, hein. Ça ressemble au Calanque, hein, la côte algérienne. Hein. Donc, ouais. Oui, effectivement, c'est pas dégueulasse. Si je puis intervenir. Vas-y, monsieur. Une chose qui est assez importante aussi, c'est le décalage qui existe entre l'Algérie française d'après-guerre et la France d'après-guerre. Je m'explique. Quand les pieds noirs débarquent en France, les pieds noirs, ils ont eu une vie relativement facile parce que l'Algérie n'a pas été bombardée par les Britanniques et les Américains. L'Algérie n'a pas été envahie à proprement parler. Donc en fait, ils ont Précisons qu'elle a été envahie par les Anglo-Américains, mais disons qu'il n'y a pas eu de combat majeur, donc il n'y a pas eu de destruction. Voilà, de c'est ça. Ouais. Donc en fait, si tu veux, ces gens, ils ont pu développer leur économie et développer l'aménagement, leurs appartes, leurs maisons, d'une manière qu'on peut estimer relativement normale. Et quand ils arrivent à Marseille avec leur valoche, les gars, ils sont absolument persuadés qu'on leur doit l'eau, le gaz, l'électricité, le confort, alors qu'ils arrivent dans un pays qui a eu une occupation épouvantable, où il y a eu le rationnement, où il y a eu une vie extrêmement pénible et où la plupart des entreprises stratégiques ont été ratiboisées par les bombardiers. Donc en fait, ils arrivent dans un pays où les gens ont eu un blocage d'évolution économique certain. Et avec une morve, mais absolument extraordinaire, un mépris des gens absolument extraordinaire, ils arrivent, ils disent « Tirez-vous de là qu'on s'installe ». C'est oui. Clair que ça crée un problème. Oui, enfin, c'est bien que tu parles de ça, parce qu'on parle souvent de ces Corses qui ont des origines bizarres. Les Corses qui ont des origines bizarres, en général, c'est les pieds noirs. Les pieds noirs qui sont arrivés au sud-est de Bastia, on les a foutus là, et effectivement, ils sont arrivés en terrain conquis. Et ces gens-là, maintenant, ils font plus Corse que les Corses. Hein. Tu les vois, ils ont des gueules, ils ressemblent à des pruneaux. Et le vrai Corse, c'est pas ça. Hein. Excusez-moi. Hein. Il y en a effectivement sur les côtes qui sont où il y a eu des incursions morts, etc. Mais le cœur du pays qui est dans la montagne, ça n'est pas un pruneau. Hein. Ce n'est pas un pruneau. Donc oui, c'est, déjà racialement, ça n'a pas apporté grand-chose. Et l'arrogance, comme tu dis, diabolique, ces gens-là sont arrivés en terrain conquis. Et ils sont toujours en terrain conquis chez eux, puis à faire plus royaliste que le roi, plus français que les Français, plus corse que les Corses. Moi, ça m'insupporte. Ouais, donc, d'accord, donc, je vois cet exemple. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Je sais que, vous savez, il y a eu le contingent qui a été envoyé, c'est-à-dire qu'il y avait des conscrits hein, qui étaient envoyés en Algérie pendant la guerre. Et par des témoignages que j'avais récoltés, je dis pas que c'est la norme, hein. Mais ça a existé que les appelés qui étaient en contingent, ils faisaient 24 mois, ou même plus que 24 mois, j'ai oublié combien ils faisaient, bon, 28 mois je crois. Quand ils étaient en manœuvre et tout, qu'ils passaient à côté de grandes propriétés terriennes qui appartenaient à des colons, hein, du coup, des pieds noirs, des colons pieds noirs, mais riches, on leur interdisait de boire l'eau des puits. On leur disait, non, vous allez boire ailleurs, vous arrêtez pas ici. Donc, l'impact sur des conscrits comme ça, qu'on va chercher en Normandie, qu'on va chercher dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'on envoie dans un pays qu'ils connaissent pas, pour défendre des gens qui leur refusent de l'eau, ça a eu un effet désastreux sur le moral, hein. Je veux dire, faut pas rêver, hein. Les mecs se sont clairement pas sentis à leur place. Ils se sont vraiment, pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup de gens des appelés, j'entends. Se sont demandé qu'est-ce que je fais là, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Bon, il y a d'autres unités. J'ai connu des officiers, des soldats qui étaient dans les troupes parachutistes, donc ils m'ont bien expliqué leur guerre. Hein. Je dévie un peu. Hein. Je parle pas de pieds noirs parce que j'ai notamment beaucoup discuté avec un officier qui m'avait expliqué ça. Il dit que. Lui, son objectif, c'était pas du tout de... Il n'en avait rien à foutre, quoi, des colonies. Hein. L'idée, c'était vraiment de stopper la progression des communistes. Parce que leur idée était... Enfin, il y avait un mélange qui était en train de se former entre communisme et islam, qui pour lui et pour d'autres, allait inévitablement ensuite débarquer en France. Ce qui s'est avéré exact. Mais ils étaient déjà dans une guerre de contre-subversion, et donc qui voyait bien les liens avec le Parti communiste en France, avec l'immigration maghrébine déjà dans les années 60, etc. Donc pour eux, lâcher l'Algérie, en fait, dans leur esprit, hein, dans l'esprit de ces soldats-là, c'était simplement reculer pour mieux sauter. Donc, ils disaient, vaut mieux se battre sur le terrain de l'ennemi plutôt que d'attendre que ça vienne en métropole. Bon, la suite a tranché, mais cette analyse était aussi correcte, quoi. C'était juste. J'ai connu aussi, je connais très bien, un pied noir, pour le coup, qui est d'origine bretonne, qui a grandi dans une colonie du Maghreb, mais qui, alors lui, qui n'a aucune nostalgie de cet ordre-là. Hein. Aucune nostalgie. Hein. C'est pas Louis Alliot, hein. C'est pas quelqu'un qui a besoin, comme tu disais, Derek, de s'entourer de maghrébins, voilà, c'est complètement différent. Et lui, il a compris dans sa jeunesse, parce que il m'a bien expliqué ça, il m'a dit comment les gens d'Algérie venaient les visiter, eux, dans le pays voisin. Et alors, il disait, il voyait bien comment ça tournait en Indochine, comment ça avait tourné en Indochine, et comment ça évoluait un petit peu chez eux aussi. Et il disait aux Algériens, vous savez, faut pas vous faire d'illusions, ça va arriver chez vous et ça va mal se passer. Et quand les gars disaient ça à ces pieds noirs d'Algérie qui visitaient d'autres pieds noirs en fait, hein, d'autres colonies du Maghreb, les réactions étaient très très violentes. On leur disait jamais ça se passera comme ça, bon. Et alors lui il est parti avec sa famille, hein, mais il m'a bien expliqué la montée du climat, du sentiment anti-français, etc. Comment les bougnoules ont commis un gros attentat. Mais il m'a dit aussi une chose, c'est très peu documenté cette affaire. Les bougnoules ont posé une bombe dans le quartier européen. Du pays où il se trouvait, qui était, je le dis, au Maghreb. Ça fait un certain nombre de morts. Bon, il m'a dit, j'ai vu les morts, ils étaient en face de moi, c'était pas beau à voir, comme il m'a dit. C'était un gamin à l'époque. Hein. Et il m'a dit, par contre, tout le quartier européen s'est organisé, on a fait une descente dans les zones arabes de la ville, ça a été un lynchage organisé. Les bougnoules ont tellement eu la chiasse, il n'y a plus jamais eu une attaque. Plus jamais eu. Ensuite, il y a eu la décolonisation à proprement parler, donc ensuite ils sont arrivés en France, dans le sud de la France. Donc voilà. Mais lui, il a compris. Il a dit non, c'est pas, on ne peut pas se mélanger avec ces gens-là, ça ne marchera jamais. Voilà. Donc dans son esprit, c'était très très très clair. Il n'y avait aucune forme de nostalgie. Du tout. Il n'y a aucune forme de nostalgie chez lui. Hein. Bah, ouais, tu te fais dépecer par des étrangers, c'est ouais. Vrai que c'est pas... si tu me permets, je vais faire peut-être une digression, mais ça s'est passé dans les années 60, au milieu du 20e siècle. Au début du 19e, les troupes françaises sont allées en Espagne sous Napoléon. Ah oui, avec Napoléon, la campagne d'Espagne de Napoléon, c'est ça que tu veux dire, hein, la guerre d'Espagne. Oui, la campagne d'Espagne, et puis, avant la campagne d'Espagne, les troupes étaient là quand même pour aller, d'abord ils sont rentrés en tant qu'alliés, plus ou moins. Alliés de la couronne espagnole contre un certain nombre d'insurgés, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, pour aller verrouiller le Portugal, qui était une colonie britannique. En gros. Et bon, on voit déjà que le pays c'était des arriérés, quoi, clairement. Hein. Sur la base de témoignages, j'imagine. Oui, de témoignages de soldats. Les soldats qui sont entrés là-dedans, quand ils sont allés dès quelques kilomètres passer la frontière, qu'ils arrivaient dans des villages, il leur tombait des poux sur la tête. Parce que quand les Espagnols sortaient, il y avait des poux qui tombaient dessus. Tu vois, les premiers assaillants espagnols étaient des poux. Des poux. Donc voilà, bon, ça c'est une... c'est pour la petite histoire, mais... quand ça a commencé effectivement à être hostile entre l'Espagne, pas forcément la couronne qui était délabrée, la couronne d'Espagne était délabrée, hein, mais le clergé, la foule fanatisée par le clergé pour le coup, tu as eu des Français qui se sont fait dépecer, hein, les Français se sont fait dépecer, on les crucifiait à l'envers sur des portes. C'est des trucs absolument délirants. Hein. C'était, Des trucs qu'on retrouvait vite chez les barbares, enfin chez les arabes. Hein, je trouve. Oui, mais même. Ça fait très état islamique, tu vois, quand tu me dis ça. Ça fait. Ouais, mais. Oui, peut-être, mais. Pour dire que oui, fait... finalement, les Espagnols, un siècle après, on les accepte, on accepte qu'ils viennent chez nous sans trop de problèmes. Ben, les Algériens, c'est pareil. C'est-à-dire, les Algériens, c'est pareil, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, à peine finie la guerre d'Algérie, qu'est-ce qui se passe? Tiens, si on faisait venir des Algériens. D'accord. Bon, avec les pieds noirs aussi qui viennent là, je pense pas que les soldats de la grande armée, quand ils sont revenus, qu'ils sont partis d'Espagne, ils disent tiens, si on faisait venir des Espagnols. C'est vraiment. C'est particulier vraiment comme réflexe, oui, je suis d'accord. C'est particulier et au niveau sauvagerie, les Espagnols, je pense, ont été plus sauvages que les. Il y a eu des trucs, hein, les couilles dans la bouche, etc. Hein, les Algériens. Mais bon, quand tu as des types qui te dépaissent, il faut lire. Hein, allez lire un petit peu les récits de la campagne d'Espagne. Ça vaut le coup. Hein, c'est sympa. Quoi. Enfin, c'est sympa. Pas vraiment, mais bon, ça permet de relativiser pas mal de choses. Alors, il est entendu ici que c'est pas une généralisation sur tous les pieds noirs. Hein. J'ai déjà dit, j'ai donné un exemple d'un pied noir que je connais. Pas tous les Espagnols non plus. Hein. Pardon. Non, mais comment dire Donc, que ce soit clair, moi je connais des pieds noirs. Bon, ils sont radicalement. Enfin, ils n'ont pas de nostalgie. Mais quand on parle des pieds noirs qui ont une nostalgie, qui importe en fait leur nostalgie chez nous, donc type. Mélenchon, comme pour la gauche, comme bien cité par notre auditeur, ou type Ménard, soi-disant à droite, mais je dis vraiment soi-disant, en fait, ce sont des empoisonneurs. C'est des gens qui essayent de reconstruire chez nous ce qu'ils ont connu dans leur enfance, quoi. Mais c'est une forme de sénilité avancée, mais une sénilité extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. Oui, ce sont des facilitateurs. Et ces facilitateurs sont très dangereux. Et moi, quand j'ai vu Ménard à la tribune qui explique qu'on peut pas virer les bougnoules parce que c'est quand même très méchant au bout de trois générations, c'est un petit peu oublié que Ménard, il s'est fait foutre dehors de son pays magnifique au bout de quatre générations. Donc, je sais pas, il s'avance peut-être un peu vite. Comment dirais-je Mais c'est pas parce qu'on aime c'est pas parce qu'on aime pas quelque chose qu'on en dégoûte les autres, voyez. Moi, la remigration, ça me botte plutôt. Donc, si ça lui plotte pas, moi, ça me botte. Si tu permets, Gandalf, Robert Ménard, il faut bien se rendre compte d'une chose. Déjà, si mes souvenirs sont bons, c'était le gars qui a créé Reporters sans frontières, un truc du genre. Oui. Bon. Sans frontières, ça devrait l'arrêter. Bah, il vient de l'extrême gauche, attention. Gars... Hein. Oui, mais attends, ce gars est un spécialiste en com. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est que Ménard, il ne prêche que pour une seule chose, sa chapelle. Et sa chapelle à lui, c'est son poste de maire, et c'est le poste qu'a sa nana, je ne sais pas si c'est au Sénat ou au Parlement. Député. Voilà. Donc, il faut bien comprendre un truc. Ménard ne roule que pour Ménard. Moi, j'ai eu des potes qui ont voulu aider Ménard à une certaine époque. Ils avaient le pognon, ils avaient l'énergie, ils sont allés le trouver. Et la réponse a été non. Parce que le principe, c'est qu'il faut faire du show au niveau des crèches, mais il faut faire du show médiatique. C'est tout. Ça s'arrête là. En fait, ce gars ne vit que par le buzz qu'il crée et qu'il entretient, c'est de la com, c'est tout. Ouais. Le seul intérêt de Ménard, c'est le pognon qui touche le premier du mois, c'est tout, ça s'arrête là. Si vous croyez que Ménard est de notre bord, est de droite, est de quoi que ce soit, non, Ménard roule pour Ménard. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, de toute façon il en a fait la démonstration lors de son petit numéro à la convention de la droite. Je pense qu'on peut élargir un petit peu cette discussion, puisque cette nostalgie coloniale, qui est en fait une façon de faire passer à droite le multiculturalisme postcolonial, en fait, hein, comme on l'a dit, hein, dans, là, il y a quelques minutes, hein, recréer en France l'Algérie française qu'on a ratée en Algérie même, quoi. Ça nous mène... Ben, non, mais c'est prévalent, au Rassemblement National. C'est prévalent au Front National. Ouais. À cause de ça. Mayotte. Oui, parce que, bah oui, parce que par phénomène d'identification, c'est, ils vont nous dire, ah bah oui, on en a quand même, on a raté en Algérie, mais c'est pas grave, on va quand même réussir à Mayotte, là, pour le prestige, c'est quand même important, vous voyez. Donc, y a, et vous avez qu'à regarder, je veux dire, ce qui est aux antipodes des préoccupations du prolétariat blanc français, de métropole. C'est-à-dire, ils ont des problèmes qui sont radicalement différents de ça. Or, ces gens-là sont dans un, sont d'abord, alors, quand ils sont pas préoccupés par leur argent, donc là je parle du Rassemblement National et de Marine Le Pen, ils sont dans des concours complètement surannés, je veux dire, enfin c'est ridicule quoi, je veux dire, au moins quand il y avait l'Empire colonial français, au moins pouvait-il se flatter de contrôler des immensités au plan géographique. Enfin, en faire des caisses pour Mayotte, qui est une chure de mouche sur une carte, et qui coûte une fortune, c'est ahurissant. Alors, quoi. Pas seulement une chure de mouche, c'est surtout une, c'est un, effectivement une caillou. Chure tout court. Oui, mais c'est un volcan à nègres, c'est-à-dire que ça il y a des éruptions de nègres qui naissent dans tous les sens, qui sont pondues par des négresses. Tout à fait. C'est la plus prolifique maternité de France, celle de maternité. Donc. Mais là on, je veux dire, on est vraiment au cœur. On est au cœur du problème, c'est-à-dire que. On est au cœur du cocardisme sénile. Oui, c'est-à-dire c'est la définition du nous. Qui est nous? Pour ces gens-là, le nous, c'est une conception indifférenciée, par bien des aspects, une conception égalitariste, bien évidemment, de ce qu'est le nous au sens politique. Et pour eux, le nous, c'est espèce de flaque marron avec un tricolore dessus. Et plus la flaque est grande, plus ils en sont contents. Vous voyez, c'est vraiment du niveau du supporter de football, quoi. C'est vraiment du niveau du supporter de football. Or, ce qu'expérimentent au quotidien dans la France multiculturelle, multiraciale, multiconfessionnelle de 2020, un nombre considérable de Français de souche, c'est justement le fait de se faire déposséder de leur propre avenir, de se faire déposséder de la terre de leurs ancêtres, de se faire déposséder de la capacité à exister en tant que nous. D'accord ? Donc quand on vient en plus les polluer à l'extrême droite avec des conneries sur Mayotte, comme le fait à longueur d'année la poissonnière, l'alcoolo-tabagique Marine Le Pen, ce n'est plus usant, c'est du sabotage. Et ces gens-là sont en train d'essayer à 60 ans de distance d'avoir raison sur le thème colonial. Non, ils ont eu tort il y a 60 ans parce que les faits leur ont donné tort, ils ont perdu. Et ce qu'ils essayent de nous faire maintenant, ça terminera de la même façon. Voilà. Et il n'y a rien de valorisant là-dedans. Moi, j'en ai rien à foutre de savoir que Tahiti, ça appartient à la France. J'en ai rien à foutre. J'y fous pas les pieds. J'ai pas l'intention d'y vivre. Je m'en fous. Je m'en fous. Et c'est pas l'intérêt. Je veux dire, au moment où t'as le tiers-monde qui débarque partout en France, qui est en train de repeupler, pour le coup, qui est en train de coloniser la France, le sujet, c'est pas de savoir si les nègres de Mayotte sont satisfaits de leur sort. Or, à en croire la communication officielle d'un parti comme le Rassemblement National, c'est important. Le confort des nègres musulmans de Mayotte, c'est très important. Et Marine Le Pen, à la faveur du confinement, a réclamé des aides spéciales, en plus de tout ce qu'ils reçoivent. Hein. Parce que, vous comprenez, à Mayotte, simplement pourquoi? Parce que les mecs, ils ont des problèmes avec les Comoriens, etc. Donc ils votent pour le Rassemblement National. Donc c'est vraiment de l'arithmétique électorale élémentaire. C'est purement une histoire de pognon, et ça ne concerne en rien, en fait, les Français de souche de France, quoi, voilà. Et c'est possible à cause de cette nostalgie coloniale. C'est possible à cause de ça, voilà. On peut nous dire, il y a quand même une forme de France multiraciale qui peut être sympa, quand même, hein, allez, pensez quand même c'est petit un peu leurre. Oui, en plus, la gauche sait l'exploiter, parce que la gauche passe leur temps à expliquer... En plus, notez bien l'implication. On nous dit aujourd'hui, en 2020, et ça sera de plus en plus, c'est grâce aux tirailleurs sénégalais, c'est grâce aux tirailleurs maghrébins que les blonds venus de Germanie n'ont pas gagné. Voilà, donc la lecture raciale s'intensifie de plus en plus. Et les blonds de France, parce qu'il y en a quand même, les blonds et les blancs de France se font déposséder et sont censés être enthousiastes à l'idée de se faire coloniser. Voilà. Pour échapper au racisme. Bon. Quand vous êtes heureux des taux de natalité en France par rapport aux autres pays aux alentours, en fait, vous ne devriez pas vraiment être heureux parce que c'est. Tout à si fait. Le taux est élevé, c'est pas. Ce ne sont pas des nègres. Ben oui, ça ne sont. Oui, ça. Alors, tu as des nouveaux patriotes qui sont très heureux. Hein, parce qu'on a ça, en fait. Donc tu as ta Marine Le Pen, mais tu as des gens qui. Qui sont français, par exemple. Ah oui, tout à fait. Belker est un Soudanais. C'est un ascendant soudanais ou tchadien, je ne sais plus. Oui, c'est pas pareil, c'est le vieux Soudan. C'est oui. Le Soudan français. Donc, tu as des métèques qui viennent expliquer à des blancs que le Bosch est un barbare abominable qu'il faut exterminer et que Karim, pas encore musulman, mais dans trois générations, peut-être qu'il patriote. Peut-être qu'il sera Jésus. Voilà. C'est quand même mieux que des blancs. Les blancs. Oui, plutôt Abdelkader que Siegfried. Oui, quand même. Voilà. Donc, il y a vraiment une maladie française qu'il faut soigner. Mais moi, je l'identifie là. Je dis, parce que les gens se posent la question, d'où vient la négrophilie française? J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans l'émission, mais. Ça vient des colonies. Hein. C'est 1914. Certains pourraient même dire 1870, mais c'était trop anecdotique. Donc, ça n'a pas été vraiment exploité au plan médiatique à l'époque. Oh non, on pourrait même dire les mamelouks de Napoléon. Mais bon, si on veut, oui. Enfin bon, là, c'était pas... Mais comment dire, c'est vraiment 1914. C'est quand on va voir les médias français, la presse française, prendre en photo les premiers contingents de tirailleurs sénégalais, de tirailleurs maghrébins, plus tard de tonkinois. Alors eux, ils participeront pas aux manœuvres militaires en tant que telles, ils seront dans la logistique, mais on va les célébrer. On va dire, grâce à nos colonies, l'Empire se mobilise, etc. Bon, évidemment, à l'époque, c'était le Deuxième Reich, c'était le Reich du Kaiser, donc le Reich du Kaiser n'était pas en tant que tel mu par une idéologie quelconque autre que celle, on va dire, de la réaction monarchiste, quoi, si on veut, quoi. Mais il y avait. Voilà, de la tradition monarchiste et pan-germaniste. Mais disons qu'il n'y avait pas une idée raciste vraiment très clairement établie au sommet de l'État, quoi. Mais les racines sont posées à ce moment-là. La France doit quelque chose au peuple de couleur. Il faut leur dire merci. C'est resté ambigu pendant quelques décennies parce que c'était assez hypocrite au fond, parce que la France étant une puissance coloniale voulait continuer à dominer tous ces territoires et tous ces peuples. Il est bien entendu que ni les Arabes, ni les Vietnamiens, n'avaient leur mot à dire dans la gestion de leurs propres affaires, ou si peu, sauf quelques petites élites ici ou là qui étaient cooptées, mais c'était très marginal. Mais dans l'esprit des masses, ça jouait un grand rôle, et la gauche s'en est appropriée. Ça va jouer un rôle crucial dans la propagande du Parti communiste avant la Deuxième Guerre mondiale, la décolonisation. Ça va jouer un rôle central. Donc la fusion entre les questions raciales, le colonialisme, le marxisme révolutionnaire porté par le Parti communiste, et ensuite le choc avec l'Allemagne nationale socialiste, tout ça va se cristalliser à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On n'en est jamais sorti. On n'est pas sorti de l'antiracisme dogmatique. L'antiracisme, c'est, comme dit le slogan bien connu, antiraciste, c'est un nom de code pour dire anti-blanc. Hein, ça vise très clairement les blancs. On n'est pas sorti de ça. On n'est pas sorti évidemment de l'antifascisme obsessionnel. On n'est pas sorti de Nuremberg. La démographie continuant, la France se faisant repeupler progressivement par des nègres, toutes les populations musulmanes possibles et imaginables, doit dire merci à son invasion. Et on n'a pas de parti politique, ni même de presse, qui s'insurge réellement en disant « Attendez, qu'est-ce qui se passe ?» c'est inacceptable. Et qui va au cœur du problème. Et vous pouvez voir que toute la presse réactionnaire, sans exception, Valeurs Actuelles, bon, je pourrais en citer, essaye constamment de, comment dire, de célébrer la colonisation. Alors, j'ai rien contre le fait de débunker des mythes marxistes à propos de la décolonisation, c'est pas le problème. Comme fait Lugan, par exemple, etc. Mais il y a une différence entre rétablir la vérité et célébrer l'idée coloniale. Parce que l'idée coloniale amène forcément à l'idée multiraciale, par définition. Vous pouvez pas vouloir vivre au milieu des nègres et ensuite dire que vous aimez pas les nègres. Faut pas être stupide. Donc voilà. Et pour moi, 1914, c'est le grand basculement. C'est le grand basculement. Et on n'en est pas sorti. Et ben, un siècle plus tard, la France est en train de se faire repeupler de nègres. Ouais, Mangère a conquis la droite nationale. Tout à fait. Et d'ailleurs, regardez, tu me l'as... Tu m'as indiqué ça, cher Derek, tu m'as dit que Marine Le Pen était en train de hurler sur tous les toits, en réclamant absolument la tenue des célébrations du 8 mai pour célébrer la victoire de la France. Oui, elle a été exaucée, parce qu'elle s'en est félicitée, là, je crois, aujourd'hui, hein, me semble-t-il, comme monsieur, le président Macron l'a écouté, donc il va y avoir, effectivement, en accord avec Marine Le Pen, des célébrations particulières pour le 8 mai, parce que, quand même, les Juifs 60 gagnent. Ans, c'est voilà, important. Hein, c'est important. Hein. Donc voilà, donc bon, on est face à un problème qui est en fait la connerie lourde de la droite réactionnaire. Et ces gens-là ne comprendront jamais rien, c'est tout. Alors, c'est-à-dire que nous célébrons la défaite de quelqu'un qui a quand même prévu pas mal de choses, en l'occurrence, qui voyait dans la France un État, enfin oui, une entité qui avait pas seulement lui, pas seulement Adolphe Hitler, pas lui, parce qu'il faut pas oublier que est entraîné dans cette diabolisation et mise en accusation Philippe Pétain, ses gouvernements, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas juste Adolphe Hitler, n'est-ce pas? Bien sûr. Plus bon, le gouvernement. Oui, qui était quand même essentiellement. Nous sommes assez critiques, nous. Hein, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non mais je veux dire, c'est pas simplement un phénomène étranger, que ça a mis en mouvement des forces, y compris présentes en France, qui ont essayé de jouer un rôle dans des situations extrêmement difficiles, mais qui ont essayé et qui subissent la même mise en accusation. Je veux dire, là je pourrais citer des noms, mais je veux dire Darnan, toute une série d'autres gars. Oui, bah, Déa, Doriot. Tout à fait. Et oui, en fait, tous ces gens-là, en tout cas, n'avaient pas prévu que la France et l'Europe allaient être submergées de nègres. C'est-à-dire qu'ils étaient... Tout à fait. Dans leurs pamphlets les plus virulents, ils n'ont pas imaginé ce que pouvait être la France et l'Europe en 2020. Mais alors, c'était vraiment très, très, très en dessous. Donc, c'est quand nous disons qu'Adolf Hitler, c'est le minimum, c'est effectivement un minimum, puisque... nous sommes au-delà maintenant, hein. Nous sommes bien au-delà. Les Allemands avaient, enfin les théoriciens, je dirais les visionnaires de la droite raciste allemande... Alfred Rosenberg peut-être. Peut-être parmi d'autres, avaient annoncé le destin de la France, il y a 100 ans. Il y a 100 ans, vous seriez baladé en France, vous auriez dit d'ici dans 100 ans, ce sera un pays recouvert de mosquées avec des nègres partout... vous étiez bon pour l'asile psychiatrique, vous auriez été placé d'office. Et ces gens-là l'avaient vu, l'avaient annoncé, l'ont écrit, l'ont même théorisé. Et de ce point de vue-là, je veux dire, nonobstant les questions purement géopolitiques, ils avaient raison. Voilà. Donc ça devrait quand même amener à un certain travail d'autocritique qui n'est pas fait, encore aujourd'hui, ou très peu fait, très peu fait. Et du coup, bah, les petits blancs qui vivent en France, parce que vous avez qu'à remarquer que l'extrême droite en France ne parle jamais de race. Non, non. Et on parle pas. Non, voilà, c'est ça. Le Front National, enfin maintenant le RN, ratisse, puis récupère écume à partir d'un certain niveau, et puis ça reste là, dans une bouillie, bon, qui passent, enfin c'est des gens qui ne sont pas c'est des opportunistes, hein, c'est tout. Oui, non, enfin, tu as les opportunistes, puis tu as le peuple de ce côté qui a un petit peu une réaction de recul par rapport à cet enfer racial qu'on lui propose, et qui n'a que ça à se mettre sous la dent, puisque c'est le, voilà, le RN, le FN, c'est le méchant désigné. Donc, quand tu en as marre, tu as ton méchant désigné. Donc, et ton méchant désigné, ça se préoccupe du fait que Mayotte, les maternités tournent à plein régime, parce que voilà, c'est la France, etc., etc. Donc, vous voyez un petit peu le piège. Tu crois échapper à l'ogre nègre, et en fait, tu te retrouves à voter pour la turbo-négrification. C'est... Alors, tu échappes à l'ogre, enfin, tu échappes à l'islamisation de ton voisinage pour te faire négrifier de manière tout à fait évangélique de l'autre. Drôle d'alternative, je suis d'accord avec toi. Ouais, au final, ouais, c'est pile je gagne, face tu perds. Hein, c'est ça. J'ai vu des trucs là-dessus très brièvement, parce que, mais bon, comme on discute à bâton rompu, comment dire, on peut y aller. Je vois des appels 2022, il nous faudrait, j'ai vu ça, je disais une tribune là dans Braise Info, il faudrait un candidat identitaire. Il y a encore des gens qui croient aux élections, quoi. C'est... ça sert à quoi un candidat identitaire en 2022? Je veux dire, t'as un candidat, il fait 2%. Non, mais on pourrait croire aux élections si on voyait une proportion suffisante du peuple qui soit en mesure de s'énerver un petit peu. Bon, c'est pas le cas. Donc, j'ai vu que bon, Julien Rojdi a proposé récemment, comment s'appelle-t-il, Charles Gave, qui est un personnage intéressant, libéral. Moi, je suis assez fan. Fan. Oui, toi, tu es turbo-libertarien, tu veux la destruction de l'État français. Donc, un exilé fiscal milliardaire. Millionnaire, qui vient parler en France. Ouais, enfin, multimillionnaire en tout cas. J'aime bien, c'est quelque chose qui me branche. Mais il faut avouer qu'au niveau électoral, ça n'a aucune chance d'aboutir. Hein, il promet pas de cadeaux aux différentes catégories captives du système. Ça peut pas marcher, c'est sûr. Tu ne peux pas arriver. Bon, tu peux pas te faire élire dans une démocratie si tu promets pas des cadeaux à tout le monde. C'est très simple. Tu peux pas arriver avec un Trump. Trump il sort pas de nulle part. Il y a un tissu derrière, tu sais bien. Trump est appelé par l'État profond derrière, donc l'État profond c'est pareil, c'est tout le même. C'est les mêmes gens, je veux dire. C'est les gens, ils couchent tous entre eux, les journalistes, les politiques, etc. Enfin, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin d'État profond en France, il n'y a rien. On appelle ça l'État, les journalistes, les politiques. Les dirigeants, enfin les gens qui siègent au conseil d'administration des entreprises du CAC 40, ce sont les mêmes, tous pareils, c'est une caste. Donc tu arriveras avec quelqu'un qui sort de là, s'il n'aura pas d'appui, il n'aura rien. C'est sympa, mais ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est la solution électorale en France, en tout cas, dans d'autres pays, ça peut marcher, je pense. Je pense que la France est un pays sclérosé au niveau des classes, beaucoup plus que ses voisins. Donc, c'est un pays très sclérosé, c'est vrai. C'est centralisé, quoi. Plus de 200 ans de jacobinisme. Quoi. Donc c'est Paris, tout est dirigé de Paris. Oui, jusqu'au ridicule, avec l'histoire du déconfinement, les plages et tout ça, c'est assez... Oui, les plages, oui, attention les Bretons, si vous allez nager, vous risquez de contaminer des Parisiens qui se frotteront à des nègres dans le RER. Donc c'est un concept assez particulier de l'égalité républicaine. Tout à fait. Donc. Donc en France, non, ça ne marchera pas, ce genre de truc. Désolé, Julien Rojdi, ça ne marchera pas. Le pire, c'est que rien n'a changé, parce que dans les années 30, les nationalistes avaient déjà trouvé un mot qui désignait les castes que vous avez citées tout à l'heure, que ce soit la finance, la politique, les médias. Ils appelaient ça la plutocratie. Tout à fait. Oui, donc, tout à fait. Sous le soleil. Tiens, Fulbert, j'ai une question à te poser. Alors là, je reviens un petit peu au point de départ. Je parlais de nostalgie coloniale. Y a-t-il quelque chose d'équivalent en Belgique ? Y a-t-il un discours qui... alors, non pas qui célèbre la colonisation, mais... comment dirais-je, une espèce de trame comme ça, oui, espèce de multiculturalisme né dans les colonies où il y aura une. Enfin, comme ce qu'on a décrit, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent ou pas du tout? Parce qu'il y a un truc qui est surprenant. Alors, je pense que chez les Flamands, ça n'existe pas, à mon sens, et ce serait intéressant de se demander pourquoi. Mais vous n'avez pas de parti, on va dire, nationaliste. Il y avait nation à un moment donné pour la partie, on va dire, francophone. Donc, il n'y a pas vraiment un parti qui porte la parole d'une droite francophone belge. Donc, c'est un peu difficile de faire des comparaisons. Mais y a-t-il quelque chose de similaire ou de proche en Belgique? Ou pas du tout, l'héritage colonial a complètement été liquidé. C'est quelque chose dont vous ne parlez jamais ou... Comment ça fonctionne en Belgique? Bien, tout en n'oubliant pas, parce que je vais dire, que la Belgique est... principalement divisé en trois régions, mais surtout en deux groupes populaires dont la grosse différence est principalement le langage, hein, puisque les Flamands parlent le néerlandais, les Wallons le français, si l'on n'oublie pas cet aspect-là de la question. Et pour revenir à ce que tu demandes, c'est une impression personnelle, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai pu observer, etc. Je dirais que lorsqu'est arrivée la décolonisation, il n'y a pas eu les mêmes effets que chez vous. Pourquoi? Parce que vous avez quand même eu pas mal de gens qui venaient, disons, du Maghreb, donc de l'Afrique du Nord, qui étaient soit des Français qui s'étaient installés, qui étaient des colons, avec tout ce que ça comporte, colons, hein, bien sûr, avec des gens de l'administration, etc., etc. Mais vous aviez aussi des gens qui, étant issus de la race nord-africaine, je vais dire ça comme ça, qui ont pris parti pour la France, enfin, ou du moins la République. C'est le cas des Harkis, hein, bien connus. Il y en a sans doute d'autres, mais je ne les connais pas. Il y avait aussi ceux qui n'ont jamais été français, qui sont rappliqués, qui se sont fait passer pour pieds noirs, mais qui étaient en fait des juifs séfarades, hein, c'est-à-dire qui n'avaient rien à voir avec la France ou avec l'Europe, mais bon, passons. En Belgique, on n'a pas eu tout ça. Et il y a eu peu, très peu, puisque la Belgique avait comme colonie le Congo belge. Principalement, il y avait le Rwanda, le Burundi et le Burundi, qui avait été pris aux Allemands, hein, après la Première Guerre mondiale, avait été attribué comme une sorte de protectorat à l'État belge. Mais disons, la colonie belge, c'était surtout le Congo de Léopold II. Il y a eu peu de venus d'Africains qui ont quitté le Congo pour s'installer en Belgique. Il y a eu des cas exceptionnels, bien sûr, ceux qui suivaient une famille qui les avait presque adoptés en tant que, je dirais, domestiques ou quelque chose comme ça, des adoptés peut-être aussi, mais il n'y avait pas grand monde. Bon, maintenant, pour ce qui est des liens qui attachent la Belgique, bon, c'est un gros mot, hein, parce qu'en Belgique, il y a des tas de castes différentes aussi, y compris la caste politique. Eh bien, pour ce qui est, disons, de la pleurniche coloniale, elle existe en Belgique, effectivement. Elle est apparue il y a quelques années, de façon concrète, avec une forme de repentance, de regret. Avec je vous le dis, je ne vais pas tout détailler, mais c'était vraiment la pleurniche généralisée, issue principalement des médias et de groupes africains qui s'étaient entre-temps installés en Belgique et qui ont, comme en France, pour le CRAN par exemple, qui ont formé des associations qui exigeaient, comme pour vous en France, le retour du contenu des musées africains en Afrique et des conneries de ce genre-là. Hein. Non, le cas n'était pas vraiment... Il y a des similitudes, mais pas de grandes similitudes avec ce que nos voisins français ont connu. D'accord, c'est intéressant. D'accord, il n'y a pas eu toute cette vague d'arrivée de gens venant des colonies pour importer finalement le multiculturalisme, à commencer par les juifs. Peut-être qu'on peut, avant de passer au point suivant, peut-être souligner ça, c'est peut-être assez peu dit. Beaucoup de Français, je pense, ne s'en rendent pas compte, parce que beaucoup de Français, c'est des Gaulois, du cru, hein, c'est des fils de paysans, ils ont jamais quitté la Gaule, hein, ils n'ont jamais quitté la France. Hein. Et donc, quand ils voient des Attali, quand ils voient des Zemmour, quand ils voient des Bernard-Henri Lévy, quand ils voient des Benjamin Stora, etc., etc., ils croient voir des Français qui, peut-être, pour certains, ont un phénotype un peu plus brun, mais qui sont, voilà, qui parlent français, qui parlent très bien français, qui ont l'air d'être parfaitement assimilés, etc. Et finalement, bon, c'est jamais que des Français, comme on peut retrouver des Italiens ici ou là, etc. Et ces gens-là ne comprennent pas d'où ils viennent. À savoir, du bled algérien. Simplement, ils sont plus intelligents que les Algériens, donc ils font un effort de mimétisme. Ils ont, reconnaissons ça aux Juifs, cette subtilité-là de pouvoir s'adapter au milieu dans lequel ils se trouvent et de mimer les codes sociaux de la société d'accueil sans jamais, cependant, se départir de leur attachement tribal, racial, propre. Ce qui nous donne, vraiment typiquement, des gens comme Jacques Attali, des gens comme Bernard-Henri Lévy, je pourrais en citer d'autres, hein, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Je veux dire, ça doit quand même amener à beaucoup faire, à méditer, quand même. Ces gens-là doivent tout à la France. Dans le cadre d'un juif d'Algérie, il doit tout à la France, c'est simple. Il doit son éducation, ses droits politiques, son niveau d'élévation sociale, bien sûr. Et en 1962, ou entre 54 et 62, sa survie. Parce que s'il n'y a pas la France pour les expédier en France, ces gens sont tous exécutés par les Arabes, hein, il faut bien le comprendre. Bon. Et, ou des gens d'ailleurs comme Jacob Cohen, qui a été pendant longtemps... dans l'association d'Alain Soral. Ces gens-là n'ont pas eu la gratitude du ventre, pour l'essentiel. Pour beaucoup d'entre eux, ils se sont transformés du jour au lendemain. Sitôt qu'ils ont posé le pied en France, ils se sont transformés en avocats hyperactifs de l'immigration maghrébine. Et ensuite, par extension, l'immigration tout court. Et vous avez donc, enfin les noms sont connus, hein, je veux dire, d'activistes qui viennent de ces endroits-là. Alors vous avez une exception, c'est Zemmour. Mais pour un Zemmour, vous en avez 100 qui militent dans l'autre sens. 100 qui militent dans l'autre sens. Donc c'est tout à fait frappant. Tout à fait frappant. Et ça, je pense qu'il faut le souligner, parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils allument la télévision, ils voient Jacques Attali, ils voient un truc, ils disent « Oh ouais, ouais, ouais, peut-être un peu la bobine, ouais, ouais, peut-être, ouais, peut-être. » « Oh, mais allez, c'est un Méditerranéen !» Il n'identifie pas. Alors que les autres, les gens comme Jacques Attali, eux, ne savent très bien d'où ils viennent, connaissent parfaitement leur appartenance raciale et sont dans une logique de guerre raciale. Ce sont des gens qui veulent régler des comptes. Quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy, c'est quelqu'un qui veut régler des comptes. Et c'est surprenant, parce que, je veux dire, ils ne peuvent pas se plaindre de collectivement de la France, quoi. Je veux dire, les Juifs d'Algérie, je vois pas de quoi ils se plaindraient, quoi. Je crois que un des points qui revient peut-être assez régulièrement, c'est qu'on les aurait obligés à porter l'étoile jaune pendant quelques années, alors qu'on sait que c'était une blague. Il suffit de lire Rebattet pour voir à quel point c'était une fiction, cette histoire d'étoile jaune. C'était une farce. Oui, d'autant plus en Algérie. D'autant plus en Algérie. Non, donc les souffrances des Juifs d'Algérie, enfin, je veux dire, sous l'occupation, ça c'est... Non, mais il y a des revendications. Je dis simplement un truc, ils ont quand même obtenu des chèques de l'Allemagne. Les Youpins d'Algérie ont obtenu des chèques de l'Allemagne. Il n'y a jamais eu un seul soldat allemand qui a posé le pied sur le sol algérien de toute non, la guerre. Non, mais comme, comme tu as eu des instituteurs juifs qui n'ont pas pu faire cours pendant quelques mois, rentre ta vie. Donc c'est quand même merveilux comme histoire. Hein. Ah, c'est... Ils gagnent à chaque fois. C'est un peuple... Oui, ils gagnent pour les... Enfin, ils gagnent à chaque fois, mais pas dans le même temps. Puis après, ça tourne. Non, je veux dire, ils gagnent à chaque fois. Je veux dire, dans leur dispositif, ils sont... Ils émargent à chaque fois. Ils émargent à chaque fois. Quoi, ah, ils émargent, effectivement. Ils comptent beaucoup. Diabolix voulait apporter toute une série de précisions. Oui, parce qu'on a, on a sauté à la fin du sujet, mais j'avais surligné... Oui, alors, notre ami Baron Wes reprend... cela m'a beaucoup troublé durant mon adolescence, où l'on végète dans le moule nauséabond de l'éducation nationale, et vous n'avez pas les armes rhétoriques pour répliquer à ces ordures de boomers culpabilisateurs et donneurs de leçons, car eux ont dû travailler à 14 ans. En fait, soyons clairs, on a les réponses. La première chose, c'est que moi j'ai connu énormément de personnes qui ont commencé au banc, non pas à 14, mais à 12 ans. Seulement, on sortait d'un pays qui avait connu la guerre. Il ne fallait pas présenter un curriculum vitae dans lequel on avait 18 ans, 30 ans d'expérience et un bac plus 5. Et il faut bien se rendre compte que les choses ont complètement changé. On ne peut plus, à l'heure actuelle, travailler à 14 ans. Ces gens, quand ils sortent ce genre d'arguments, il faut leur clouer le bec en leur rappelant que, un, l'enseignement est obligatoire jusqu'à 18 ans. Et qu'à l'heure actuelle, sans avoir un bagage de diplôme certain, pour trouver un emploi, on va ramer longtemps. Et la deuxième chose que je tenais à aborder ici, c'est qu'il nous explique gentiment qu'il continue à suivre Radio-Québec, le Cercle Aristote, Télé-Liberté, Le Média, et il nous rajoute entre parenthèses, il ne raconte pas toujours que des conneries, même s'ils sont pollués par leur logiciel marxiste, républicain et antiraciste. Pour le Média de Vincent Lapierre, ça, je pense. Voilà, je tiens quand même à faire rappeler, je vais faire un peu l'avocat du diable ici. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que ces gens ont pignon sur rue, ils sont en France, et que s'ils se permettaient la liberté que nous permettons ici sur antenne, il leur resterait 48 heures pour pouvoir s'extraire de France rapidement et aller installer leur siège social à Outsipou les bains de pied. Hein. Oui, c'est tout à fait. Alors, troisième chose, j'en reviens sur les propos de notre ami Fulbert concernant les merveilleuses colonies de la Belgique belge. Il y a une chose qu'on n'aborde jamais dans ce truc. Jamais, absolument jamais, c'est passé, mais c'est la chape de plomb. Il faut se rendre compte que la colonie belge a été une colonie dans laquelle on a expédié massivement les pères missionnaires et les sœurs missionnaires. Mmh. Donc en fait, on a envoyé au Congo les pères blancs. Si mes souvenirs sont bons, Fulbert me contredira si je me gourre, je crois qu'il y a les pères de Skeut. Et il y a, alors peut-être pas au Congo, mais en tout cas sûrement à Madagascar, c'est pas une colonie belge, mais bon, au niveau de la colonisation, il y a à boire et à manger. Ils ont envoyé des religieuses qui étaient basées en Belgique, qui sont originaires d'un ordre de mémoire. C'est Saint-Jean de Mata, un Espagnol qui a créé l'ordre, qui est l'ordre des dames trinitaires, des religieuses trinitaires, qui à l'origine avait pour mission de racheter les gens qui étaient maintenus en esclavage dans les pays arabes. Et bon, tous ces gens sont allés faire des colonies. Mon Dieu. Ok, c'est... Ils sont allés ouvrir des écoles. Ils ont... Ouais. Bon, ok. Sauf que ce qu'on oublie de nous dire... C'est que dans leurs écoles primaires, dans leurs écoles secondaires, qui se trouvaient en Belgique, qui se trouvaient en France, parce que c'était la spécialité de ces gens, c'était l'éducation, on demandait aux enfants d'aller collecter du pognon auprès des familles. Alors, c'était des boîtes, c'était acheter des boîtes de lait pour les enfants, c'était acheter des boîtes de pansements, c'était acheter des tas de conneries qu'on vendait à un prix de con par rapport à ce que tu pouvais trouver en pharmacie et qui était censé aider les missions. Le gros problème, c'est que toutes ces comptabilités sont passées à l'as. Et que, à l'heure actuelle, quand on voit les missions de ces gars implantés au Congo, implantés à Madagascar, implantés dans un petit peu tous les pays africains, ce qu'on nous vendait avant l'invention d'Internet comme étant des dispensaires ultra modernes, des trucs, des hôpitaux absolument grandioses, quand on voit grâce à Internet ce qu'il y a réellement sur le terrain, on s'aperçoit que ces gens, bon, pour être dans ces écoles, il fallait quand même être d'une famille bien née, hein, il ne faut pas rêver. Mais on s'aperçoit que ces gens ont dégraissé les fortunes de ces gens bien nés qui suivaient leur cours pour aller investir soi-disant un pognon qui, quand on voit les masses financières collectées en Europe, il y a dû y avoir un bug parce que ça n'a jamais été investi là-bas. Alors, est-ce que ça atterrit dans les caisses du Vatican ? Est-ce que c'est resté dans les caisses des communautés religieuses ? Ça, il faudrait un jour faire une commission juridique qui ait le pouvoir d'aller gratter là-dedans. Mais c'est très clair qu'il y a eu un véritable braquage financier au sentiment dont toutes les bonnes familles bien nées se sont fait avoir en long, en large et en figuré. Ce qui continue plus ou moins avec le système humanitaire contemporain, hein, sous une forme différente, mais oui, c'est... Tout à fait. Ouais, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, ça. Et personne ne soulève le problème, hein. J'aime autant te dire que tu abordes le sujet, on te laisse tout seul dans ton coin. Ben, j'avais vu des chiffres, je ne sais plus pour quelle association c'était. Je crois que c'est un truc de Machin sans frontières, comme d'habitude. Mais en gros, ça disait que quand tu faisais un don, ce qui arrivait sur place, c'était 5%, quelque chose comme 5% de la somme initiale. Le reste, c'était pour le fonctionnement. C'est-à-dire que tu payes les gens au milieu. Et notamment, en général, c'est celui à la tête. Parce que je connais un petit peu des gens là, qui sont là-dedans, enfin, qui ont bossé là-dedans, au milieu de cet enfer, en France. Et les salariés sont payés au lance-pierre, parce que comme c'est associatif, etc., tu comprends, machin, etc. Par contre, ceux qui sont à la tête de l'association se gavent, mais alors, parce qu'ils se gavent d'autant plus qu'ils ont des contrats avec l'État. Hein, bah oui, s'ils sont reconnus fondation d'utilité publique, enfin, association d'utilité publique, etc., là, ça t'amène. Ils ont des marchés publics, marchés. Ouais. Comme il y a des marchés publics pour le bâtiment, il y a des marchés publics pour les nègres. C'est pareil. C'est pareil. On construit des cathédrales de nègres en France. Hein. C'est la nouvelle. C'est la nouvelle religion. J'ai de l'avenir. Hein. Je sais que tu as de l'avenir. Ma religion sera bientôt. Faut que tu passes avec le chapeau. Oh, ce n'est pas le chapeau, là, ce sera la... Monseigneur Déric, oui. Monseigneur Déric, quand canonisez-vous Saint Pangolin ? Oh ! Moi, je voudrais vous dire un petit peu, si vous me permettez, sur ce qu'a dit Diabolix. Je ne sais pas, pour l'histoire des Pères Blancs, la responsabilité de l'Église. Je ne défends pas l'Église, loin de là. Mais... Je ne sais pas si tu connais, Diabolix, cette colonisation anecdotique que l'État belge avait organisée en Patagonie. Ça ne me dit rien du tout. Ben, je vais t'expliquer. On peut chercher un peu sur Internet. On va trouver. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent. On a envoyé, je ne me rappelle plus l'année, hein, parce que c'est loin dans ma mémoire, mais ça devait être à la fin du 19e siècle. L'État belge avait... C'était la folie de la colonisation en Europe à cette époque, dans à peu près tous les États européens. Et ils avaient envoyé, l'État belge, ils avaient envoyé donc des premiers colons qui étaient moins de 1000, hein, ils étaient, je sais plus, 700 ou quelque chose comme ça, famille, tout le tremblement, en Patagonie, en espérant ouvrir une petite colonie, voire un comptoir là-bas, commercial, dans ce territoire très froid et aride. Et ces gens ont tous disparu. Ils sont tous morts de maladies, de malnutrition, etc. Et la Belgique n'a... L'État belge, donnons le vrai nom aux choses, n'a pas bougé le petit doigt pour les secourir. Et je ne serais pas surpris... Avec son courage habituel. Voilà. Et je ne serais pas surpris, moi, aujourd'hui, qu'à l'époque, à la Chambre, il devait y avoir des députés qui posaient la question... Au ministre, mais où en sommes-nous avec notre colonie en Patagonie? Et pendant ce temps-là, les pauvres trous de cul qui est allé là-bas est occupé à crever. Quoi. Bon, je vous dis ça, c'est pour vous donner une idée de l'esprit de l'État belge à travers l'histoire, à travers le temps, du moins depuis que la Belgique existe. Hein. Ce n'était pas le cas avant l'indépendance. Esprit petit bourgeois, esprit de boutiquier. Tout à fait. C'est très intéressant. J'ignorais ce passage-là. Bon, on va pas faire un débat sur les colonies, mais dans le courrier de notre auditeur, il parle bien de la bourgeoisie coloniale, notamment de la fonction publique. Enfin, de la fonction publique coloniale. Effectivement, il y a eu des gens qui ont créé comme ça des dynasties assez influentes, qui ont beaucoup perdu dans la décolonisation, mais qui ont pu se reconvertir avec beaucoup de bonheur dans la vie politique républicaine en France, et on en subit encore un certain nombre, avec les mêmes présupposés paternalistes à l'égard des populations de couleur. Hein. C'est ça, le tropisme reste là, quoi. Et voilà, bon. Alors, messieurs, je vous propose de passer à la deuxième rubrique. Ça s'appelle les meilleurs commentaires de la semaine. Vous la connaissez sur notre forum EELB, Europe Écologie Les Brins. EELB.su. Vous pouvez participer, je vous invite, hein, inscrivez-vous ou allez lire les échanges, c'est fait pour ça. Nous avons chaque semaine des échanges très vifs sur toute une série de sujets, de débats, des débats même assez baroques parfois, bref. Et un certain nombre, vous pouvez aussi réagir aux émissions. Hein. Vous savez, vous avez une rubrique émission, vous pouvez apporter une précision, poser une question, bon bref quoi. Et j'avais soulevé un point sur la question, parce qu'un certain nombre de nos auditeurs sont des jeunes auditeurs, après il n'y a pas d'âge, hein, je veux dire, mais qui cherchent une compagne, qui cherchent une amie, une petite amie, une fiancée, éventuellement une femme, bien sûr, si ça se passe bien, et qui sont un petit peu, ils se posent des questions, ils ne savent pas trop comment faire, ils ne savent pas où aller. Vous savez, on a eu quand même un certain nombre de témoignages dans cette direction, c'est quand même c'est un phénomène qui est quand même très répandu. Et j'avais dit, parce que je le savais, que... La bonne approche quand on cherche une compagne, c'est de fréquenter des cercles sociaux où les femmes sont surreprésentées. Donc, approche purement mathématique. Et j'avais dit que les clubs de danse permettaient justement de se retrouver en position de force. Parce que quand vous êtes sur Tinder, j'y suis pas, hein, mais je veux dire, je connais le principe, c'est-à-dire que sur Tinder, tout le monde s'inscrit, et puis le marché, la main invisible du marché d'Adam Smith se met en place, et vous avez les gens qui n'arrivent pas, enfin les garçons qui n'arrivent pas à trouver de copine, et puis vous avez ceux qui y arrivent tout le temps, en fait, et là, c'est le fameux jeu de l'hypergamie, c'est-à-dire que les femmes, en fait, peuvent choisir, bien. Et en fait, je disais que l'approche à avoir sur cette question, c'était en fait de changer les paramètres, de telle sorte à ce que les hommes soient... Il y a une pénurie d'hommes, dans des environnements, il y a une pénurie d'hommes et une surabondance de femmes, parce que les femmes, à ce moment-là, sont beaucoup moins dures quant à leur sélection. Voilà, c'est ce que j'avais dit en substance. Et que les clubs de danse étaient vraiment les lieux idéaux pour ça. Que les jeunes garçons devaient aller s'inscrire dans des clubs de danse s'ils cherchaient une compagne. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Point. Et j'avais pas développé, je pratique pas la danse, mais je le savais. Et y a des gens qui pratiquent ça et qui ont réagi sur le forum. Et ils ont donné beaucoup de détails. Alors j'ai voulu m'arrêter là-dessus. Alors, je vais lire maintenant les commentaires, hein, après cette introduction. Alors c'est Cobra sur le forum qui s'exprime. Ah tiens, il y a MacDav qui est là. MacDav nous a rejoint. On va parler de femmes, MacDav. Alors, voici ce que nous dit Cobra. Alors, je suis en train d'écouter l'émission. J'ai une remarque concernant les cercles sociaux dans lesquels rencontrer des jeunes femmes. Je valide totalement la remarque de Gandalf. Les clubs de danse de salon sont ce qui se fait de mieux, surtout ceux orientés compétition, que ce soit affilié à la fédération de danse ou à l'académie des maîtres de danse. La danse de salon est une discipline qui travaille sur la posture, le maintien de tout le corps et surtout le torse et le port de tête, et fait appel aux instincts naturels de chaque sexe en les remettant à leur place respective. L'homme guide, la femme suit. Surreprésentation de femme. En tant qu'homme, vous débarquez dans le club en homme providentiel, toujours. Si en plus c'est un club de compétition, pour peu que vous vous démarquiez rapidement, en tant qu'homme blanc, ce n'est pas difficile, vous aurez une tripotée de danseuses qui voudront vous mettre le grappin dessus comme partenaire. Évidemment, partenaire de danse, hein. Le sérieux de la compétition fait naturellement fuir les nègres et les bougnoules, hommes comme femmes. Immense majorité de blancs, à des degrés de pureté variables, mais la règle veut, au niveau international, que plus on est à rien, plus on vole haut. Le taux de pédale est le même que dans la vie de tous les jours, entre 1 et 2%. À moins que le prof en soit lui-même, ils ne vont pas bien loin, ce ne sont pas des gens très versés dans l'effort. La première moitié des danses de salon concerne les latines, à l'influence nègre ou sud-américaine, souvent présente mais discrète, très démonstrative, mais pas de contact corporel étendu. Un homme doué en danse latine dégage un parfum sexuel irrésistible pour les filles d'un soir, si c'est ce que vous cherchez. La seconde moitié des danses de salon concerne les standards, sans la moindre influence nègre. Je le dis toujours, la valse lente est la parade amoureuse des Ariens. Les danseuses qui préfèrent les standards s'y adonnent soit parce qu'elles ont conservé leur rêve de princesse du bal, soit par dégoût de la négritude des latines, soit les deux, même si elles ne l'avoueront jamais. Énorme réserve d'ariennes disciplinées dans cette catégorie. Certaines jeunes femmes veulent tellement apprendre à valser, donc dans standard, qu'elles y vont avec leur père. Quand vous trouvez une de ces perles, vous avez une chance non négligeable qu'elle soit vierge. Ceux qui y vont en couple ont des foyers solides, avec au moins 2 enfants. Et constituent des personnes fiables que vous aurez tout intérêt à garder dans votre cercle d'amis. Pour 1 ou 2 heures de danse par semaine, vous avez une opportunité inouïe de vous trouver une communauté de grande qualité, avec des hommes virils et masculins, ainsi que des femmes sportives et persévérantes. Et vous faites un peu de cardio. Prenez la dance pill, nous dit donc Cobra. Le commentaire de Cobra a suscité la réaction d'un autre membre que je salue au passage, qui s'appelle Shramsir. Voici ce qu'il dit. Je valide totalement. Quand j'ai déménagé dans ma région actuelle, je ne connaissais personne, et j'ai eu la chance de trouver un appartement au-dessus d'une école de danse, dont la propriétaire était aussi la directrice de l'école. Elle insista plusieurs mois pour que je m'inscrive à ses cours, car elle manquait d'hommes. Je n'étais pas du tout motivé, donc j'ai refusé jusqu'au jour où, finalement, j'ai cédé. Eh bien, quelle joie! Passé l'appréhension de départ et les premiers cours, je m'en sortais pas si mal et j'ai pris goût à la chose rapidement. J'ai commencé par la bachata, danse latine très facile et sympathique, puis la salsa, un peu plus compliqué, mais rien de sorcier. Au bout de quelques mois, j'ai fini par participer aux soirées danse latine, le samedi soir dans une salle des fêtes quelconques d'un village quelconque. Les lieux varient, nous dit-il. Ces soirées sont merveilleuses, énormément de femmes célibataires qui viennent entre copines et dont l'un des objectifs secrets est de trouver un homme. Je ne dis pas qu'elles veulent toutes se marier, mais elles n'ont rien à voir avec les femmes de boîte de nuit. Au niveau personnel, ça m'a donné une plus grande maîtrise de mon corps. Bien que j'ai pratiqué l'aviron à haut niveau, la boxe anglaise ou thaï, j'étais un peu gauche, et grâce à la danse, j'ai un bien meilleur équilibre, une bien plus belle posture, tête comprise, et une démarche plus souple. Grâce à ces soirées, j'ai ensuite débuté les danses de salon, cha-cha, valse viennoise et tango. Socialement, on monte en gamme. C'est généralement de très belles femmes, éduquées, souvent de droite et peu favorables aux marrons. La valse est ma danse préférée car, comme le dit Cobra, c'est la parade de l'arien. Et il a raison. Quelque chose de magique se passe entre vous et votre partenaire quand vous dansez une belle valse, encore plus s'il y a une alchimie entre vous. Le tango argentin, alors là, vous emballez comme jamais si vous vous donnez un peu de mal à l'apprendre. Valse plus tango fait de vous un partenaire très recherché. Bref, si vous êtes célibataire en quête d'une partenaire, vous aurez 10 000 fois plus de chances de dégoter une partenaire stable dans ce milieu plutôt que sur Tinder ou je ne sais quoi. Si vous êtes un homme blanc sain, c'est-à-dire un peu musclé, propre, les dents, etc., avec un travail normal, alors foncez. J'ai rencontré un bon paquet de femmes sympas dans ce milieu pouvant faire de bonnes épouses, moyennant un petit redressement national-socialiste en douceur. Socialement, vous fréquentez dans ce milieu un peu de tout, de l'entrepreneur BTP au dentiste, avocat, prof, etc. C'est un échantillon de la bonne classe moyenne gauloise. Par exemple, j'ai pour dentiste une partenaire de tango, donc si j'ai un souci, je n'attends pas des semaines. Un ami danseur est avocat, un autre est courtier en assurance et prêt immobilier, un autre est médecin généraliste, etc. C'est un excellent moyen de se faire un réseau local sans en avoir l'air. Post-scriptum, non, quand on a parté, je suis arrivé dans ce milieu en mode bon vivant, non pas en séducteur lourd, et je déconseille aux donjouans de pacotille de vouloir jouer le coq, car c'est un petit milieu et tout se sait très vite. Vous n'aurez pas envie d'être marqué comme dragueur. Le mieux, c'est de venir simplement, amicalement, et de vouloir progresser. Si vous plaisez à une femme, alors vous le saurez très vite. Elle sera plus tactile que les autres, tiendra votre main quelques secondes de plus, même si la musique est finie, etc. Bref, pour faire court, je suis ravi d'avoir franchi le pas, et vivement à la fin du confinement. Alors, d'autres précisions ont été apportées par Cobra suite à ce commentaire. Voici ce qu'il nous dit. Le tango argentin est la latine par excellence. Toutes les latines y mènent fatalement. Ceci dit, elles attirent les femmes qui cherchent non pas la parade amoureuse, donc là c'est la valse, mais l'admiration du public. Car c'est, comme toutes les latines, une danse où l'homme est l'écrin du joyau féminin. Il la met en valeur. Fuyez, comment dire, la kizomba. C'est la danse nègre qui veut s'insinuer dans les bals populaires. Refusez toujours les invitations à la kizomba, même si vous la dansez mieux que les nègres, ce qui demeure loin d'être difficile. Le cha-cha, c'est la danse qui vous dira si vous êtes à l'aise en latine ou pas. Un hockey stick suivi d'un natural top, et vous sentez si c'est fait pour vous. Bassin et torse désolidarisés, mouvement des jambes syncopés. Aucun blanc ne vous reprochera d'être mauvais en latine. Pour la plupart, la valse s'apprend lentement par contre. C'est une danse de persévérant. On commence par la musette sur du Amélie les crayons et on finit par la valse des fleurs de Chostakovitch. Un bon valseur flotte sur le parquet. Chacune de celles qui a des étoiles dans les yeux quand vous valsez est une de vos prochaines conquêtes. Tenez-vous-le pour dit. Alors donc voilà les commentaires de cette semaine qui donc font écho à ce que j'ai dit la semaine dernière, mais avec force détail et surtout sur la base de l'expérience du vécu. Qu'est-ce que vous voulez dire en quelque chose de ces commentaires? En soi déjà, ils apportent un certain nombre d'informations, mais qui voudrait dire quelque chose peut-être? À King à Gonzès. Bah, ça me semble être une approche tout à fait fair play, enfin je veux dire, ça me paraît pas... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, quand je dis hacking, c'est parce que ça marche, quoi, tout simplement. Je ne dis pas ça dans de façon péjorative. Vraiment, le témoignage, il est très synthétique et c'est tout à fait ce qu'on a dit. Absolument ce qu'on a dit. Et d'ailleurs, je disais la dernière fois que beaucoup de mes amis ES se plaignaient de ne pas trouver d'hommes. Et ça peut trouver. On peut trouver ça stupéfiant parce qu'elles peuvent se faire livrer une bite sur pâte en 10 minutes comme une pizza avec les applications modernes. Mais dites-vous bien que c'est vrai. Les femmes se désespèrent de ne pas trouver d'hommes à la hauteur. Alors effectivement, il y a le côté hypergamique. Mais malgré tout, regardez bien quand vous sortez le nombre de femmes. Si vous avez des activités, un petit peu trop masculines, effectivement, ça va être très très difficile pour vous de sortir du lot ou même de trouver une femme de qualité, parce que ces femmes-là, généralement, elles sont assez masculines parce qu'elles ont des goûts masculins. Si vous passez de votre club de supporters de foot locaux à votre club de powerlifting ou de boxe anglaise ou de, je sais pas moi, de JJB, forcément les gonzesses vont être minoritaires et très très très très sollicitées et très très masculines. Donc effectivement, ça vaut pas forcément le coup. J'ai pas compris ça à 20 ans, je l'ai compris beaucoup beaucoup plus tard. Bravo aux garçons qui comprennent ça à 20 ans. Ce sont des hommes intelligents. Ils gagnent du temps. Absolument, ils gagnent beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, c'est l'objectif de l'émission, j'ai déjà dit, je le répète. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut transmettre. C'est un peu moi ce que j'ai identifié comme problème de fond. C'est qu'on était dans une période où il n'y avait plus de transmission. Absolument. Plus de transmission entre père et fils, etc. C'est pas tout le temps vrai, mais il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent, on les lâche, on les lâche dans la nature, ils ne connaissent rien sur rien, et ils aimeraient savoir, ils aimeraient avoir des conseils, ils aimeraient des conseils, pas des conseils théoriques, mais des conseils pratiques, et je pense que, c'est ce que j'essaye de faire ici, ce qu'on essaye collectivement de faire ici, c'est de, comme je l'ai dit, de faire gagner du temps aux jeunes, en leur disant, ne vous égarez pas sur telle ou telle piste, ça mène à rien, allez à l'essentiel. Et sur cette question précise, je trouvais ça très très intéressant, parce que, en fait, s'il y a vraiment des gens, je pense qu'il y a certains auditeurs qui cherchent vraiment une compagne, ils veulent pas simplement passer du bon temps, ils cherchent vraiment une compagne pour leur vie, en tout cas une partie de leur vie, et ils savent pas comment faire, ils disent, mais je trouve pas, je vois pas où en trouver, etc. Vraiment, les clubs de danse, c'est l'occasion. Alors, il faut bien choisir, c'est bien expliqué, je vais pas paraphraser ce qu'on dit, ceux qui le font, parmi les témoins, les commentateurs, donc les membres du forum, quoi, qui ont commenté. Donc, ça serait redondant, mais si vous faites preuve de discernement et que vous avez envie, même pour vous, à titre personnel, d'avoir une activité, mais de joindre l'utile à l'agréable, disons, c'est probablement une très bonne piste. Si vous souffrez un peu de solitude, ou si vous avez des copines, ça dure 3 semaines, et puis ensuite ça marche pas. Si vous avez envie de vous investir dans quelque chose sur du moyen long terme, c'est probablement une excellente piste. Donc, ceux parmi nos auditeurs qui nous écoutent et qui se posent des questions ont de quoi réfléchir, et même plus, ont de quoi se lancer maintenant, je pense. En tout cas, moi, je tiens à remercier Cobra et Shramsir pour leurs échanges, et les autres, bien sûr, mais qui ont permis... Ça a beaucoup fait réagir, tout à fait, bien sûr. Cette discussion la semaine dernière, et pour le coup, les commentaires étaient très constructifs. Oui. Encore une fois, le forum est, un niveau quand même assez, assez intéressant. Tout à fait, ouais. C'est un bon appoint. C'est un bon appoint. Ça salue. Merci aux commentateurs. Ouais. Alors, il y a un truc vraiment que... Je ne sais plus c'est quel auditeur qui a décelé ça, mais c'est très très vrai, c'est que quand les femmes sortent, c'est pour être mises en avant socialement. Alors, il disait ça, c'est certains types de danses. C'est-à-dire, il disait, par exemple, je crois que c'était le tango. Les danses latines. Les danses latines en général. C'est-à-dire qu'en fait, la femme est ce qui est mis en valeur et l'homme est simplement le support, quoi, un petit peu, quoi. Oui, non, mais c'est quand même globalement vrai. C'est-à-dire que, en fait, si. Je veux dire, beaucoup de femmes, quand elles sortent, elles ne le font pas. Alors, je dis pas qu'elles font uniquement dans le but de s'élever socialement, mais elles ne sortent pas de la même façon que les hommes. Les hommes peuvent sortir de façon totalement machinale et avoir des activités de routine où ils vont boire des bières au même bar, aller au même club de foot. Les femmes font ça totalement différemment. Et effectivement, en fait, si tu veux, impressionner une femme, bah, tu l'emmènes dans des lieux où elle va avoir l'impression de s'élever socialement. Ça, c'est certain. C'est vrai. Alors, pourquoi disait-il ça? Parce que peut-être que certains ne l'auront pas compris, nos auditeurs, je pense que la plupart, oui, mais pourquoi il souligne ce point? Pourquoi il dit, voilà, les danses latines, c'est des femmes, c'est des danses, j'ai envie de dire, féministes, en tout cas, qui mettent les femmes sur un piédestal. Elles sont pratiquement conçues pour les femmes, si vous voulez, comparativement, par exemple, à la valse. C'est parce que la femme va, dans ce type de danse, va vous prendre comme, en fait, un faire-valoir. Donc, elle ne va pas rechercher votre attention à vous, partenaire. Alors, je pense que vous pouvez trouver des copines, des nanas, comme ça, si vous voulez. Mais si vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus... l'approche psychologique sera très différente avec d'autres danses. Donc, ces femmes-là vont chercher le regard du public, donc des autres hommes. Donc, c'est des femmes qui sont déjà... beaucoup plus auto-centré, beaucoup plus narcissique, donc beaucoup plus changeante. Alors que si vous allez vers la valse, là, au contraire, c'est une alchimie qui va se créer entre les deux partenaires. C'est-à-dire que les deux regards ne se quittent pratiquement pas. Donc à ce moment-là, le regard des autres compte, on va dire, moins. Et ce qu'il nous dit, c'est ça. Il dit, voilà, si vous cherchez en fait une compagne qui a des valeurs, qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus sûre, qui cherche, j'ai presque envie de dire... sa seconde moitié, c'est plutôt ce type de danse qui correspondra à ce moment-là à ce que vous cherchez, quoi. Une danse aussi plus exigeante. Voilà. Alors moi, je pratique pas, hein, mais c'est ce qu'il voulait dire dans son commentaire, et je voulais souligner ce point-là, quoi. Donc... Non, c'est terrible, hein, parce que... En fait, c'est la situation générale qui est terrible pour les jeunes hommes blancs dans ce pays. C'est que bah déjà y a pas de femmes. Les femmes sont dans des milieux un peu spécifiques où elles se font harceler par les nègres et les bicots. La dernière fois que je suis passé devant une séance de danse en plein air, j'ai été stupéfait par le nombre de blanches, trentenaires, quadras, relativement classe, et le nombre de nègres. Ah ouais, bien sûr, mais oui, ils ont compris de la ça. Danse latine, en général, le prof est nègre. Hein. Moi, les trucs que je vois, c'est le prof est nègre. Et c'est une forme moderne. Ça, souvent, c'est de la danse. Du harem. Hein. C'est le harem. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que tu as une espèce de nègre qui s'agite sur un rythme cadencé avec des putes qui sont là que pour son vie. Tout à fait. Mais c'est pas toutes les danses, faut le souligner. C'est pour ça qu'il faut faire le tri, comme l'a souligné notre cher ami Cobra. Tout à fait. Quelqu'un d'autre là-dessus? Les valses viennoises, l'Autriche, ça ne peut être que positif. Non, mais il n'y a pas de hasard. Hein. Bon, oui, mais alors, attention, avec des chaussures cloutées. Et je danserai pas avec toi. Bah, j'espère bien. Bon, d'accord, bon, bah, voilà pour cette rubrique commentaires. Alors, brièvement, avant de faire une pause musicale, rubrique numéro 3, autisme radical. Alors, c'est très rigolo, hein, c'est pas... Ah. C'est, comment dirais-je, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est le hashtag de la révolution qui vient, hein, de la révolution communiste qui vient. Voilà. Vive les médecins! Vive les infirmières! Les auditeurs se demandent ce qui se passe. Alors en fait, Derek fait référence en fait à l'extrême gauche qui tape, enfin France Insoumise on va dire, qui tape sur les casseroles pour faire la révolution depuis les balcons. Alors on va écouter juste un petit extrait et on se retrouve. Est-ce que vous aussi, vous faites la révolution des casseroles? Est-ce que vous tapez sur vos casseroles en utilisant le hashtag plus jamais ça, avec une référence très claire hein, à plus jamais le travail. ça fait très Afrique, hein. Ça fait très Afrique quand même, hein. Ça fait un peu, je sais pas, Côte d'Ivoire. Alors, enfin, en Afrique, c'est pas des casseroles, hein. C'est des coupes sur des nuques. C'est sûr, mais ça, il tape quand même. Il y a un côté. Alors, plus jamais ça. Donc, comme je disais, une référence très claire. Hein, plus jamais Auschwitz, les camps de la mort, tous ces trucs. Donc, on est quand même dans un univers mental assez clairement défini. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'on avait déjà les autistes qui étaient là en train d'applaudir dans le vide. À 20h, bon, bref. Et maintenant, on a ça, la révolution sur les balcons. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça n'appelle pas une grande théorie, hein. Mais j'ai remarqué qu'ils étaient très vieux et très obèses, les gens qui faisaient ça. Non, il y a des jeunes, hein. Il y a des jeunes blancs. Il y a des babos, j'ai vu quelques babos. Tu es intoxiqué par la télévision, cher McDave. La plupart sont des vieillards communistes. Non, c'est les des sous pour l'hôpital public. Non, mais on les a vus. Ils sont allés à Marseille, là. J'ai vu le reportage. Là. Ils sont allés devant la Timone. Enfin, ils étaient 15. Ouais, ouais, oui, le 1er mai. Enfin, bon, la journée des travailleurs. Oui, les travailleurs. Oui, bon, c'était la journée. Bon, c'était encore une journée de célébration. Aryenne récupérée par ces salles rouges. Voilà des gens qui essayent déjà de préparer le déconfinement. Hein. En substance, ils sont déjà en train de lancer leur mot d'ordre, de caler leur discours, voilà. Et ils vont réclamer des sous. Ça, c'est assez clair. Et donc, plus jamais ça, donc, c'est-à-dire, comme je dis, c'est un écho, hein. C'est plus jamais ça, c'est-à-dire plus jamais de crise sanitaire par impréparation, mais en écho à plus jamais de camp de la mort. Hein. Donc vous voyez qu'on est quand même dans... Bon, ils sont pas très créatifs. Gandalf. Ouais. Gandalf, ils vont réclamer des sous, mais surtout en bon gauchiste, ils vont réclamer des droits, mais jamais des devoirs. Ah oui, donc ça c'est sûr. D'ailleurs, je tiens à dire une chose, parce que c'est très peu connu, parce que les gens disent à l'hôpital public, il n'y a pas d'argent. Alors, s'il y a de l'argent, il y a le même taux d'investissement qu'en Allemagne, à peu près. Hein, enfin, pas d'investissement, mais... Il y a le même taux d'investissement en hauteur de PIB. C'est ça, voilà. C'est ça. En revanche, l'argent n'est pas dépensé de la même façon. C'est ça la grande différence. Et en France, on ferme effectivement des hôpitaux, on soigne moins, en fait, mais on administre plus. Alors qu'en Allemagne, on administre moins, mais on soigne davantage. Donc, c'est deux approches différentes. Vous avez l'approche française qui consiste à multiplier des fonctionnaires pour le plaisir de noir sur du papier, et l'approche allemande qui consiste à investir dans des hôpitaux pour effectivement essayer, bon, dans les grandes lignes, de soigner des gens, quoi. Et bon, voilà. Donc, les gauchistes, eux, sont déjà... quand je dis les gauchistes, c'est les syndicats de la fonction publique hospitalière. Ils sont déjà calés. Pour eux, non, il n'y a pas assez de pognon. Donc, non seulement on ne touche pas aux bandes de bureaucrates qui sont au ministère de la Santé, etc., dans les hôpitaux, mais il va falloir accroître l'argent et passer peut-être à 15% du PIB, je ne sais pas, mais... Je veux dire, il y a quand même une arnaque là-dessus. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire croire que on ne dépense pas d'argent pour la santé en France, ce qui est faux, mais il est mal dépensé. Et les syndicats ne veulent pas assez d'argent pour que les infirmières puissent faire des clips sur TikTok. Oui, non, alors, pour moi, c'est pas tout à fait exact. En Allemagne, le seul secteur qui a été privilégié au niveau des investissements publics, c'est justement le secteur de la santé. Pourquoi? Parce que c'est un pays vieux. Oui, faut pas chercher plus loin. Alors, si en hauteur de PIB, on dépense à peu près le même pognon, ça fait quand même, vu qu'il y a... Je veux dire, le PIB allemand est quand même beaucoup plus fort que le PIB français. Il y a plus d'argent investi par habitant en Allemagne qu'en France. Mais en plus de cela, effectivement, il est mieux géré. C'est vrai. Pourquoi? Parce que, il y a, effectivement, tu l'as dit, il y a la lourdeur de l'administration française. Après, si je dis bien, je crois que c'est le seul secteur de l'investissement public qui a été préservé. Mmh. Et le patronat allemand se plaint énormément de la dégradation des infrastructures qui permettent le fonctionnement du pays. Ah oui, les routes en Allemagne, les ponts, etc. Oui. C'est dans un état. Bon voilà, c'est quand même. C'est pas terrible. Et très curieusement, il n'y a pas le même niveau de privatisation qu'en France. Il n'y a pas le même nombre de PPP, de partenariats privé-public qu'en France. Donc, si tu veux, pour moi, c'est un peu plus. C'est un peu plus complexe que ça. C'est très bizarre, il y a des secteurs qu'on décide de privatiser qui parfois s'en sortent assez bien et d'autres qui s'en sortent très mal. Moi je vois en ce moment les gens qui sont en train de découvrir la Lune, c'est que le privé a réussi à accumuler beaucoup plus de masques, oui, et de façon beaucoup plus efficace que le privé. Je veux dire, tous ceux qu'on bossait là le savent, dans les entreprises il y a des masques. Donc si dans les entreprises... les services ont réussi à avoir des masques parce qu'ils ont payé. Bah, oui. C'est évident que la grande distribution là, les gens découvrent la Lune, mais c'est évident. Oui, parce qu'il y a une polémique qui commence à se former parce que j'ai vu que je crois que c'est Estrosi, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Estrosi. Enfin bref, les grandes surfaces mettent à disposition un nombre important de masques. Ils disent mais d'où ils sortent? Vous aviez des stocks, etc. Donc ils disent prouvez-nous que vous en aviez pas. Etc. Enfin c'est assez intéressant comme débat. Je pense que c'est à ça que tu fais référence. C'est vraiment un débat, mais j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à comprendre que en cas de crise, la loi de l'offre et de la demande, elle est exacerbée. Et j'ai vraiment l'impression que les gens découvrent ça. Les principes de la loi de marché, oui, dans un pays communiste, c'est pas surprenant. Hein. Pour te reprendre un petit peu sur un point en particulier, Magav, qui concerne les PPP, les partenariats publics-privés, c'est quand même une grosse encule étatique pour déplacer de la dette. Quoi. Je disais, c'est très français parce que en fait fait fonctionner la nomenclatura française. C'est un moyen de communisme. C'est pas officiellement du capitalisme. C'est très français. C'est un mix des deux et c'est le pire des deux. Le cas. Ouais, c'est un mix oligarchique. L'autoroute. Le cas le plus caricatural là-dedans, c'est le viaduc de Millau. C'est un PPP qui a été fait avec des calculs assez spéciaux. C'est-à-dire que il n'y a pas eu d'endettement de l'État. C'est le privé, je crois que c'est Vinci qui avait fait le chantier. Et au final, quand tu regardes, je crois que l'État reprend la chose 20, enfin, je ne sais plus combien d'années après. Mais il s'est fait coulonner au final. Tu as quelque chose qui est absolument délirant. Tu veux dire que l'État est obligé de reprendre derrière C'est que tu as une concession de l'État. C'est-à-dire que tu as un endettement initial de l'entreprise et tu as derrière des traits. En fait, oui. Voilà. En gros, c'est un endettement qui ne dit pas son nom. C'est un endettement qui est reporté sur. L'établissement privé. Donc Vinci va s'endetter pour faire les travaux, etc. Et l'État va payer le triple, par exemple, ou le triple, ou le quadruple de ce que ça aurait coûté si l'État s'était endetté lui-même pour faire les travaux. Tu vois, c'est très sujet à commission, à rétrocommission. C'est la corruption, c'est la corruption. Voilà, c'est la corruption à la française qui ne dit pas son nom. Voilà, c'est un mécanisme qui permet à la classe, qui permet les liaisons entre le politique et l'économique. Mmh. Et, bon, ces gens-là couchent entre eux. Hein, voilà. C'est comme les artistes, etc. Enfin, les journalistes, dans les conseils d'administration des grandes entreprises et les politiques. Ce sont des tuyaux de poêle, hein. Ça s'emboîte et ça se déboîte dans tous les sens. Et de manière tout à fait aléatoire, hein, j'ai envie de dire. Et ce sont les mêmes gens. Donc tu as en France, on a inventé le PPP pour faire en sorte que cette chose-là, cette oligarchie, hein, j'ai envie de dire, que puisse agir de manière. Ouais, normal. Oui, enfin, alors que dans d'autres pays, on cloisonne. C'est plus libéral, donc tu as des politiques qui font le politique, qui ont moins de prérogatives, et le reste, ça va au privé. Et c'est quand même, je pense, plus sain qu'il y ait une séparation que la consanguinité française au niveau de la gestion de tout. Bon, c'est pas. On voit où ça nous a amené. Bah, l'État français et sa technocratie, sa haute technocratie, ces énarques veulent avoir leur mot à dire, leur droit de veto sur absolument tout. Tout ce qui se passe dans la société civile. Le jacobinisme jusqu'à la couche. Oui, c'est ça. Au départ, le jacobinisme, c'était... quand même que c'était pas faisable. Hein. Ils ont mis 2 mois et demi à comprendre que le jacobinisme avait ses limites. Je crois pas, en fait, je vais te dire. Je crois pas. Parce que, comment dirais-je, la société civile française, c'est parce qu'il y a eu le centralisme jacobin, ça existe depuis, en fait même le centralisme il existe depuis au moins Louis XIV, bon. Donc il y a un effort de centralisation, bon voilà, ça peut se comprendre, on voit à peu près, on comprend qu'il faut un effort minimum de centralisation pour imposer des normes à un territoire donné, ok d'accord très bien. Mais le jacobinisme a dégénéré en fait... beaucoup plus significativement, on va dire, depuis la guerre, parce qu'il a colonisé la société civile. Il n'a plus limité ses prérogatives au régalien et à l'administratif. Il a commencé à vouloir se mêler d'économie, de social, de culture, de médias. En ce moment, il se mêle même de la répartition des tâches ménagères au sein des foyers. Donc, voilà, c'est ça, tout à fait. Où ça va. Tout à fait. Donc on est dans une espèce de délire étatique en France, qui étatiste en France, qui n'est pas associé à une efficacité, parce que évidemment plus l'État se mêle de tout, moins il est compétent, oui. Surtout en moi, fait. C'est moi, parce que oui, plus il est incompétent. Ça, c'est ça. Voilà. Donc parce qu'il n'est pas, il ne s'occupe pas de ce qu'il devrait s'occuper. Et en plus, je pense qu'il y a aussi un phénomène de compensation, c'est-à-dire que, bon, vu qu'il y a quand même un déclin relatif de la France quand même ces 50 dernières années, il y a beaucoup moins de choses prestigieuses à faire dans le domaine du régalien pur, c'est-à-dire dans le domaine militaire. Donc, ils se rabattent sur autre chose, et on voit d'ailleurs la même chose se produire à Bruxelles. C'est-à-dire, en fait, comme Bruxelles, c'est pas un État, hein, il n'y a pas d'État européen, donc ils peuvent pas se piquer de prérogatives étatiques, donc ils font, contrairement aux États-Unis, ils font pas de géopolitique dure, donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont emmerder les gens, leur disant, voilà, vous comprenez, votre appellation contrôlée, c'est pas possible, parce que voilà, parce qu'un scribouillard, quelque part, à Bruxelles, a touché des pots de vin de tel ou tel truc pour changer de classement. Enfin, c'est aberrant, quoi. Et en France, c'est ça, au cube. Moi, j'entends souvent les gens critiquer la bureaucratie bruxelloise, ils ont raison. Mais c'est quelques dizaines de milliers de fonctionnaires. En France, on a 6 millions de fonctionnaires. Oui, bruxelloise, ce sont des amateurs par rapport à la bureaucratie. Bah, on a 6 millions de fonctionnaires en France qui alors certains sont utiles, d'autres c'est beaucoup plus ça pose question, je veux dire, surtout dans les collectivités territoriales, il y a vraiment de quoi dire, parce qu'il y a des embauches de complaisance à caractère clientéliste électoral. Mais ils ont colonisé toute la société. Sur le plan médiatique, c'est vraiment visible. Il y a plus un journal en France qui est pas subventionné, quoi. Ils sont tous subventionnés. Ils sont tous tributaires de l'État, de la bienveillance de l'État, pour exister. S'ils ne dépendaient que de leurs lecteurs, il y a beaucoup de journaux qui auraient déjà... Il y en a déjà beaucoup qui ont disparu, mais il y en aurait davantage qui disparaîtraient. Donc ces gens-là, vous comprenez bien, qui vont pas être très critiques sur la façon dont les choses sont gérées. Donc vous les voyez, ils chantent tous la même chanson, voilà. Et c'est vrai que ça donne... Exactement. Et là, j'aimerais en fait faire la jonction parce qu'il y a quelque chose qui est devenu maintenant un lieu commun et tentons ça. Je veux dire, ça a dépassé les cercles entre guillemets de la dissidence internet. On se plaignait souvent de l'appropriation des médias par les milliardaires et les industriels. Oui, ce qui est très vrai d'ailleurs. C'est très vrai. Mais en même temps, si tu veux faire la vraie jonction, il faut dire que ces mêmes journaux qui sont qui n'ont pas des modèles économiques rentables sont subventionnés par l'État. Oui. Et il faudrait faire la jonction entre les deux. En fait. Bah c'est la les plupart deux, des gens ne font pas la jonction entre les deux. C'est comme le PPP, McDav, c'est pareil. C'est-à-dire que ça profite à l'un et à l'autre. C'est ça, c'est en fait l'État finance les entreprises de presse des oligarques. Donc, mais l'État ne le fait pas parce qu'il a envie d'être bienveillant à l'égard des oligarques. Il le fait parce que c'est un mécanisme bien compris de répartition des tâches et que, en retour, les oligarques se servent des médias pour dire tout le bien qu'ils pensent de la politique de l'État. Oui, c'est que le pouvoir médiatique est au-delà de la logique économique pure de la vente de papier a une influence qui... BFM TV, on vient de le voir avec la psychose généralisée, voilà. Là, on vient de le voir. Hein. Les gens sont convaincus qu'ils vont BFM mourir. BFM TV, hein. dont Gilead est actionnaire, quoi, par exemple. Tout à fait. Voilà, bien sûr. Bon, peu importe, enfin, d'autres choses. Mais ces milliardaires qui ont ces médias, là, qui continuent, même s'ils n'ont pas une influence directe, je ne dis pas que les journalistes qui sont dedans reçoivent les ordres directement, mais ils sont sélectionnés de toute manière pour être dans la logique. Ils sortent des écoles de journalisme. Ils sortent des écoles, ils sortent du. Du moule. Ils sortent du moule qui est discriminatoire. Si vous êtes d'extrême droite, vous êtes mort, quoi. Même si vous êtes de droite. De journaliste, c'est être macroniste, en fait. De toute façon, je veux dire, ils te disqualifient d'entrée puisque ils te disent que tu ne respectes pas la charte, etc. Donc enfin bref, t'es pas dans les clous idéologiques. Mais ils tournent ça différemment. Ils disent oui, mais quand même l'éthique, etc. L'éthique des journalistes, quoi. Bon, c'est ça juste pour parler des médias, mais c'est vrai sur quantité d'autres domaines, quoi. Et l'État a colonisé l'économique. En colonisant l'économique, effectivement, il s'est mis à se piquer de décisions de grandes entreprises. Donc, vous avez des ministres ou des politiciens qui sont proches de grands chefs d'entreprise, du MEDEF, etc. Le MEDEF, en retour, demande le soutien de l'État. Et là, on arrive dans un truc qui devient très, très bizarre. On est dans un système hybride où, à la fois, vous avez... de capitalisme d'État, et de l'autre côté, vous avez vraiment un étatisme socialiste, voilà, moi je crois pas, enfin, l'incurie de l'État, elle est caractérisée dans ce qui vient de se passer, mais je pense que ce qu'ils vont se dire, c'est qu'il faut redoubler, il faut renforcer encore plus le centralisme. Ça, j'en suis absolument convaincu. Ils vont dire, il faut tout verrouiller, parce qu'on a vu des scènes, j'ai pas parlé de ça dans l'émission, mais... Vous savez, un certain nombre de collectivités territoriales, un certain nombre d'entreprises, quand ils ont constaté qu'il n'y avait pas de masques, ont commencé à prendre des initiatives. Bref, la société française a commencé à se mettre en mouvement pour essayer de se procurer ce que l'État avait été infoutu de leur fournir, en l'occurrence des masques. Et certaines entreprises, pour leur personnel, ont commandé en Chine, ou ailleurs même. Hein. Des entreprises en France ont commencé à changer un peu leur production pour offrir des trucs. Des villes, parce que à Nice... je reconnais au moins ça, Estrosi, il a essayé de mettre en place une distribution gratuite de masques. Quand Estrosi l'a fait, il s'est fait stopper immédiatement par le gouvernement central et par le préfet qui lui a dit « Hop, vous arrêtez ça tout de suite !» Pourquoi ? Parce que le fait que la société ou que des acteurs locaux parviennent à faire ce que l'État central ne faisait pas, ça a apporté un coup très violent, un coup très, très dur au prestige de l'administration centrale. Et des politiciens qui contrôlent l'administration centrale, et des technocrates. Donc ces gens se sont dit, c'est pas possible, il faut stopper ça tout de suite. Et on a vu, et les gens se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, à l'aéroport, ils arrêtent, et quand il y avait, une livraison d'une tonne de masques qui arrivait, parfois en Bourgogne, je sais plus, enfin j'ai vu des cas comme ça, la police intervient, ils bloquent tout, ils saisissent le truc, etc. C'est à cause de ça! C'est parce que l'État est discrédité. et qui veulent reprendre la main. Et là, et en fait, c'est truquer la concurrence, c'est d'empêcher les gens de faire. Voilà. On les empêche de faire, comme ça, le contraste n'est pas trop violent, et on peut pas dire, ah bah oui, d'accord, vous êtes bon à rien, au moins, je sais pas, moi, mon maire ou mon entreprise m'a fourni le truc. Non, non, c'est caricatural, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont pas se dire, ah bah ouais, en fait, on a été nuls sur tout, on va complètement se réinventer. Non, non. Mais à ce jeu-là, l'État oublie une chose, c'est que en saisissant des stocks de masques, que ce soit à Nice ou au niveau de certains conseils régionaux qui en ont commandé, ils sont en train de se défausser d'une façon grandiose parce qu'il y aura des poursuites juridiques. Ouais, mais non, là aussi, il faut rappeler un truc. Ouais, les bus sont rouges, Diabolix. Ouais, mais même au-delà de ça, c'est la justice, c'est l'État. Donc l'État va pas se condamner lui-même, vous pensez bien. Le but ne sera pas, enfin, si ces gens sont suffisamment intelligents, ça c'est encore à mettre entre parenthèses, le but ne sera pas de gagner en droit français. Le but sera de pouvoir, après avoir épuisé l'intégralité des ressources du droit français, de se présenter sur des instances soit européennes, soit internationales. Et là, ça va taper méchant. Bah, de toute façon, là, c'est clair qu'il y a des gens qui veulent en découdre. Il y a déjà des plaintes collectives, etc., qui ont été sur toute une série de sujets, sur le confinement lui-même, etc. Ça va au-delà de Macron. Les gens doivent comprendre ça. C'est pas Macron. Macron, c'est infusible. Ceux qui se sentent profondément visés par la gronde populaire, parce que là, je crois qu'on peut quand même le dire, il y a une gronde populaire, hein, suite à tout ce qui s'est passé. La technocratie va essayer de sauver sa tête. Donc les types vont bloquer toutes les initiatives qui vont viser... Alors, ils vont faire une enquête parlementaire, hein. Ils savent très bien à quoi ça mène à rien. On en a fait sur le Bataclan, on en a fait sur... C'est bien, ça fait un rapport, et là, ça occupe la presse pendant très longtemps, et ensuite, il se passe rien. Donc ils vont nous dire, ah oui, vous allez, oh là, mais vous en faites pas, on va faire une enquête parlementaire, là. Oh, Madame Michu, rassurez-vous, on va aller trouver les responsables. Il n'y aura jamais un seul nom qui sera cité. Ils veulent pas qu'il y ait de véritables investigations indépendantes. Pourquoi ? Bah déjà, il n'y a même pas d'indépendance, d'entité indépendante pour mener les investigations. Donc ils vont noyer les gens. Et c'est là que rentrent justement dans le bal les médias, qui vont servilement protéger tous les types qui sont responsables de cette banqueroute. Mais ce que les gens ont vu sur un truc aussi anodin que les masques vaut pour des choses beaucoup plus graves, hein. Faut que les gens aient ça à l'esprit, hein. Je veux dire, quand on parle de sujets beaucoup plus sérieux comme le terrorisme, etc., dites-vous bien que c'est le même État qui est en charge. Donc vous pouvez vous dire que c'est géré à peu près de la même façon. Voilà, c'est géré à peu près de la même façon. Donc il y aura les mêmes déconvenus, quoi. C'est quand il y aura vraiment un gros problème, il n'y aura plus personne dans le navire. Il n'y aura plus de capitaine à bord. Alors, je pense qu'ils gèrent quand même un petit peu plus sérieusement les actes terroristes pour une raison assez simple, c'est que les actes terroristes peuvent à terme susciter une certaine défiance envers les gens marrons. Alors c'est pour l'instant pas le cas, c'est-à-dire que dès qu'il y a un acte terroriste musulman en France, on se rue dans les places publiques pour clamer son amour du vivre ensemble et des gens marrons. Bon, ça, c'est une chose, mais ça... Ouais, et la lutte contre l'islamophobie, tu l'oublies. Oui, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'amour de vivre ensemble, c'est pareil. Et bon, ça peut durer un certain temps, mais par hasard, des orientaux avaient l'idée que, bon, ben quand même, il faudrait quand même un petit peu plus que des gens se fassent péter le tronc dans les lieux publics. Il y aurait peut-être moins ce réflexe d'islamophilie maladive à chaque attentat. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que le service de renseignement veille pas mal, veille de manière très... et de manière principale, je pense, et ce qui fait qu'on a un petit peu la paix, sur ces manifestations-là. Quoi. Par peur de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, oui, ils peuvent gérer comme ça, si tu veux, les symptômes de manière sporadique. Ah oui, ils ne peuvent faire que ça. Hein. Ils peuvent faire... Les causes ne sont pas gérées, c'est ça. Voilà, c'est ça. Clair, hein. Et justement, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les causes continuant à produire les mêmes effets, on va arriver sur quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire qu'il va se produire quelque chose de très sérieux, beaucoup plus sérieux que ce qu'on a connu. Je ne dis pas que ça va se passer dans 6 mois, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais à terme, il va se passer quelque chose de grave sur ce domaine précis. Il y a d'autres domaines. Et l'État sera pas là. Regardez-les comment s'appelait-il là ce nègre des îles là qui s'est fait sauter là qui a poignardé le harpon de l'Éternel. Voilà. Bon, le harpon de l'Éternel quand il a fait son coup d'éclat. On a eu un Castaner, on a un Macron, ils étaient médusés, ils savaient même pas quoi dire. Ils se sont rués à la préfecture de police de Paris pour aller constater la casse et ça. Bon. Ils étaient couillons. Voilà, bon. Et c'était rien. C'était rien. Ce que je veux dire, c'est ça fait quelques morts. Bon, sur une population de 67 millions, bien sûr, c'est pas 100 000 morts ou 200 000 morts. Mais je veux dire, c'était bien déjà un symptôme d'inefficacité. Le type, en plus, quand on a pris. Bon, le mec allait publiquement en djellaba à la mosquée salafiste du coin. Le mec il se cachait pas. Bon, c'est ridicule. Et donc, ridicule, dans les services du renseignement. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Moi, au contraire, j'y vois une certaine. Enfin, je sais pas si on va encore avoir des attentats islamiques du niveau de ce qu'on a eu ces 5 dernières années. C'est cyclique. C'est cyclique. Non, c'est pas ça, c'est que je... Si les bougnoules sont un cerveau un petit peu. Fonctionnel, ils verront que bon, ça sert à rien d'en faire plus puisque globalement les Français acceptent la chose. La Shahada est actée, il n'y a pas besoin. Les attentats du Bataclan et de Nice ont entraîné une Shahada massive. Une soumission à l'islam de la population qui, ma foi, n'a pas lieu d'entraîner d'autres actions comme ça, puisque la chose se fait naturellement. Le message est passé, c'est ça que tu veux dire. Il n'y a pas besoin d'en faire davantage. Le message est passé, et je pense que malheureusement, écoute, nous n'aurons pas de chimpanzerie bougnoulique dans les années à venir. C'est regrettable. Mais elle se sera normalisée, et ça fera partie des règles... officiel de la République. Voilà. Non, mais vraiment, regarde peu la différence de communication entre le pauvre type qui a sauvé un Irakien de la noyade, qui a dit le mot bico. Dit bico. Voilà, donc c'est un mot, hein, c'est juste un mot. Et suite à ce mot, qui n'est pas un acte, hein, qui n'est pas. Oui, après avoir sauvé le bico d'ailleurs. Après avoir sauvé le bico. Tout le monde a communiqué, oui, c'est ignoble, c'est absolument horrible, alors que le type a quand même sauvé un bico. Un bico clandestin, avec Castaner qui se porte tout de suite sur le devant de la scène, je diligente une enquête, Le crime des crimes, ça, tu vois où sont les priorités. Tout à fait, ouais, ça c'est indéniable. C'est indéniable, hein. On a dévié un peu, mais on parlait de l'incurie de l'État. On a vachement digressé. Hein. Encore que c'est le même thème, c'est l'incurie de l'État. Pareil. C'est l'incurie de l'État. Hein. Ouais, c'est l'incurie de l'État, enfin, c'est l'état ambiant de la population qui est prête à accepter. Quoi. Bon. Ouais, pour en revenir là, à l'incurie de l'État, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y a une communication qui a été faite sur l'impossibilité des inspecteurs du travail à pouvoir faire leur boulot. Et en fait, moi je pense que ce qui se passe, c'est que les services publics savaient très bien que les moyens de protection des travailleurs, ils étaient globalement beaucoup plus fournis dans le privé que dans le public. Et je me demande si en fait il n'y a pas eu marchandage. Et ce que je dis est très sérieux. Je pense que il y a eu un accord plus ou moins tacite, des accords au pluriel même, je dirais, entre l'inspection du travail et les entreprises privées, qui en fait a un marchandage. pour fournir ce qu'on pourrait appeler des EPI, quoi, des équipements de protection individuelle au public. Parce que l'inspection du travail savait très bien que le privé était déjà beaucoup mieux fourni en instruments de protection que le public. Voilà, je pense que vous ne l'avez pas entendu ailleurs. Oui, oui. Messieurs, j'ai aussi une autre question à vous poser avant de faire la pause. Donc on voit que les gauchistes, là, la France Insoumise, ils essayent. Bon, c'est poussif. Hein. Je pense que c'est quelque chose d'acquis qu'ils vont essayer de foutre la merde dans les rues pour réclamer du pognon. Vous voyez comment je parle pas du Parti Socialiste. Hein, je veux dire la gauche plus généralement, mais tous les syndicats, les fonctionnaires. Comment vous voyez ce truc tourner là? Parce que comment est-ce que vous pensez que la gauche va réussir à foutre la merde ou pas? Alors, je vois l'inverse. Commence. Ouais, moi je vois une concorde. On a sauvé des vies, on a tapé sur des casseroles, on a applaudi les gens à 20h, c'est merveilleux. Écoute, nous pouvons faire acte de comment dire, de devenir des franciscains. Hein, et puis nous devenir des bons pieds. Donc. Voilà. Je vois ça comme ça, c'est-à-dire que l'espèce de branlette égotique là qui a lieu depuis plus d'un mois et qui va durer encore un petit peu ne va pas avoir que l'effet d'une branlette. Ça va aller un petit peu au-delà. Ça va aller effectivement flatter l'ego et donc bon, vu que quand même on est des soldats. On a sauvé la France, on a sauvé le monde. Tikkun Olam. Tikkun, TikTok, tu vois, c'est... TikTok. Non, mais c'est ça, c'est un héroïsme à peu de frais. C'est à peu de frais, oui. C'est-à-dire qu'on avait des gens... Te rends compte, il y a des gens qui meurent. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est de l'héroïsme un peu de frais, donc les gens se voient comme des héros, et parce qu'ils se sont contraints à rester chez eux, et ben ils vont pouvoir se contraindre un petit peu pour autre chose. Donc je ne crois absolument pas à l'émergence de mouvements sociaux à la sortie progressive et pas progressive du confinement. Ça n'aura pas lieu. Parce que qui dit sidération des masses dit concorde. Absolument. Vraiment, moi je le vois. Tous les gauchistes. Clémentine Autain, elle s'est fendue d'un tweet, mais lunaire. En disant qu'effectivement. Ah oui. le temps était venu pour elle. Enfin, je traduis parce que son tweet était totalement incompréhensible. Mais elle pensait que le temps de la révolution, allait venir. Mais il faut jamais avoir foutu les pieds dans une entreprise pour penser un truc aussi délirant. La réalité, c'est que. Il y a deux choses. Premièrement. Le patronat s'est rendu compte, enfin du moins, je dirais pas qu'il s'en est rendu compte, mais il a pu calculer combien lui coûtaient les bullshit jobs. Parce que, faut pas se mentir, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fonctionné parce que leur carnet de commandes était plein, à un niveau quasiment équivalent depuis le confinement. Pas totalement équivalent, mais assez équivalent, sauf qu'ils ont mis entre guillemets leurs éléments faibles ou pas forcément faibles, mais on va dire les éléments qui sont un peu comment dire frondeurs, ils les ont mis de côté parce qu'ils peuvent le faire avec le confinement. Ils ont sélectionné les éléments les plus productifs et les obéissants, et surtout ils ont dégagé les bullshit jobs. Et l'entreprise française, y compris privé, et rempli de bullshit jobs. Et ça peut être quelques éléments aux méthodes sont pas forcément poussés par une productivité extrême, ou dans les bureaux, la productivité démentielle. Il faut bien une chose, c'est qu'il y a des millions de gens en France qui sont dans une crise existentielle parce qu'ils se rendent compte que le boulot qu'ils ont n'est pas forcément utile. Et je veux dire, n'a pas forcément d'impact sur la réalité. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font quoi? Bah, ils font chier le monde à faire des réunions Skype. Parce qu'ils servent à rien. Ils s'en rendent compte. Alors avant, ils te forçaient à faire des réunions sur des trucs totalement inutiles. Ils servent absolument à rien. Et là, bah tiens, ça se voit comme les yeux au milieu de la figure que ces gens ne servent à rien. Que finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ils bossent 10 heures par semaine et puis le temps restant, bah, c'est de la présence en entreprise. Il faut se montrer dans l'entreprise. Il faut montrer qu'on est totalement indispensable. Donc en fait, tu vas générer de la présence, générer du conseil et en fait qui sert à rien parce que tu serais pas là, ce serait exactement la même chose. Donc c'est un petit peu comme tu sais, c'est les techniques parthes en fait. C'est comme les archers mongols, ils avancent et ils reculent. C'est une tactique qui est très spécifique. Je connais une chanson comme ça. Oui, non, mais je sais comment ça se termine. Non, mais en fait, si tu veux, il faut montrer ta présence et subtilement après tu te retires. Et c'est un jeu à somme nulle, mais ça a l'air très efficace. Ouais, c'est pas mal de trucs qui sortent d'écoles de commerce à la con, quoi. Ouais, exactement. En fait, alors des boulots qui servent à rien, moi j'en ai quelques-uns en tête. À commencer par journaliste et prof. Oui, non, mais c'est la partie visible, la plus. La partie visible, oui, visible. Oui. Mais dans les entreprises, dans les boîtes qui sortent dans l'industrie, etc. Tu as par réseautage, par commodité. Au fil des décennies, des postes comme ça qui ne servent à rien, des gens qui parlent, qui effectivement, comme dit McDav, qui sont là, qui se mettent en avant et puis qui se mettent en retrait, voilà, pour une fois que c'est la merde, et puis qui reviennent, etc. Enfin, bon, qui font du push-pull sans cesse, qui sont inutiles, qui touchent des sommes astronomiques, mais c'est vraiment du bullshit. Enfin, moi, j'ai vu ça d'assez près. Et si ces gens-là pouvaient morfler, c'est vrai que ça serait sympa. Bah, je pense que c'est ce qui va arriver. Hein. Et bah, il n'y a pas que ça. Penser que la révolution va se faire après ça. Moi, si tu veux, vu le degré d'obéissance des gens pendant cette période de confinement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais vraiment beaucoup de mal. Le souci qu'on va avoir, c'est quand même qu'on va avoir des petites boîtes. Qui sont quand même le cœur de l'emploi en France, qui vivotaient déjà et qui vont crever. Et ça, bon, c'est pas quelque chose dont on peut se réjouir parce que c'est ces gens-là, les petites boîtes qui étaient déjà là à trimer, c'était pas ces boîtes-là qui étaient dans le cosmopolitisme. Délirant, et c'était plutôt le contraire, hein. Les grosses boîtes sont plus dans le centralisme à t'imposer de l'antiracisme depuis leurs filiales extérieures, les filiales américaines, etc., par rapport à des quotas, relations humaines, par les minorités, etc. C'est pas elles qui vont morfler, principalement. Celles-ci vont être aidées par l'État. Les boîtes qui vont morfler, c'est les petites boîtes. C'est là qu'on a nos gens. Oui, je pense. D'ailleurs, on a décidé qu'on allait laisser crever, hein, pour une grande partie d'entre eux. Bah, malgré la communication d'État, malgré les banques qui font de la publicité, qui font ils vont crever au premier jour, en fait. Hein. Vertu, oui, effectivement. Bah, il y a le chômage partiel jusqu'au premier jour. Il y a le chômage partiel jusqu'au 1er juin, et à partir du mois de juin, ça va être des fusillades de masse. Hein, les gens vont se faire fusiller à partir du Puis il faut étendre même bien au-delà, parce que le ralentissement va... Bon, il est à l'arrêt, mais je veux dire, ensuite, ce qu'ils pensent que le truc va reprendre, ils vont découvrir en fait que ça ne reprend pas comme ils l'espèrent, et... Le truc va se décanter progressivement sur les 6 prochains mois jusqu'à Noël, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont, dans toute une série de secteurs, quoi. Certains, ils vont peut-être avoir assez d'argent pour tenir au mois de juin, mais ils vont se rendre compte que juillet, août, ça ne reprend pas. C'est là qu'on va voir progressivement la catastrophe se préciser. Le problème, bon, on aura quand même un moment de vérité, je pense, assez rapidement. Aux États-Unis, actuellement, il semble, d'après les chiffres réels dont on dispose, qu'on soit, il y a une population active théorique aux États-Unis de 164 millions de personnes. Théorique, hein. Et actuellement, il y a environ 50 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi. Qui sont pas enregistrés officiellement comme demandeurs d'emploi, soit qu'ils le sont, soit qui se sont récemment inscrits. Donc ça fait 50 millions, donc ça fait pratiquement 30% de la population active américaine qui est au chômage, au moment où je parle. Hein. On va voir comment ça va évoluer, mais... C'est un peu pareil en France, quoi, sauf que nous, ça fait 2 mois. Quoi. Bah, nous, on ne sait pas exactement, parce qu'il y a le chômage partiel, c'est nous, là, ouais, voilà, on ne sait pas trop. Il y a l'État nounou qui fait tampon. Ouais, mais aux États-Unis, tu as fait pareil. C'est pas pareil, mais tu as un chèque, je crois, de 1 200 $ par citoyen américain. Ouais, mais ça ne change rien sur le fait que tu es officiellement catégorisé comme chômeur. Oui, c'est pareil. Bien sûr, tout à fait. Alors qu'en France, ils peuvent délayer. Alors donc, on est un peu dans le flou, parce qu'on ne sait pas exactement qui va vraiment devenir un chômeur. On ne le sait pas exactement encore. Alors, pour quand même tempériser vite, en France, c'est plus difficile d'embaucher parce que c'est plus difficile de licencier. Donc, qui est beaucoup plus de chômeurs aux États-Unis qu'en France, quelque part, c'est normal. Parce que quand tu licencies en France, il faut allonger. Hein. Il faut allonger sévère. Bah justement, le problème, c'est que ce mécanisme-là risque de plomber énormément d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont pas pouvoir dégraisser, ça leur coûterait trop cher, et elles vont déposer le bilan. Quoi. C'est ça. Non, donc, même en France, hein, c'est ce qui se passe. Hein. Mais je parlais de la France, là. Non, on parlait de la France. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas accès à ces aides parce que leur dernier bilan était négatif. Donc, on a décidé que ces entreprises étant déficitaires étaient déjà sur la voie de la faillite. Oui. Or que, bon, discute avec un entrepreneur. Dans une année, tout ne va pas très bien. Toute l'année, hein. c'est pas la fonction publique, t'as des hauts et des bas, et des fois, bah oui, t'es déficitaire, mais bon, tu sais que tu vas pouvoir te refaire sur les mois suivants. Donc bon, on a décidé de pas aider ces entreprises, je pense que ces entreprises vont mourir. Bah oui. Bah, je pense qu'on en saura plus mois de juin, quoi, à peu près. On aura déjà une idée. Le mois de juin va être terrible. Enfin, si le calendrier reste tel qu'il est établi pour le moment, le mois de juin, ça va être terrible au niveau de l'emploi. Je pense que beaucoup de nos auditeurs, un certain nombre en tout cas, vont perdre leur emploi et vont se retrouver un petit peu dans la merde. On va voir. Hein, on va voir comment ça va évoluer. On n'espère pas pour eux. Ah bah non. Bah non, bien entendu. Alors messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission. We'll be right back. Nous voici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 18. Je voulais terminer cette deuxième partie en parlant d'un homme, une créature, parce que j'en avais fait mention, vous savez, dans une émission précédente, je ne sais plus laquelle, j'avais dit qu'on reviendrait justement sur un des pères du mouvement LGBT, un des pères fondateurs du mouvement LGBT, et je m'étais arrêté là-dessus parce que j'avais dit que des livres étaient brûlés en Allemagne, vous savez, durant l'époque national-socialiste. Oui, les pédophiles avec leurs fous et compagnie. Il y avait des autodafés, mais alors moi j'étais comme tout le monde à l'école, hein, je regardais les... il y avait souvent des images, d'ailleurs, une photo de SA jetant des livres dans un bûcher, et il y avait toujours écrit, voilà, les nationaux-socialistes, ennemis de la culture, brûlent les œuvres des poètes, et des trucs, etc. Bon, vraiment, la barbarie, quoi. Et alors, bon, moi, j'étais quand même assez jeune, je me disais, bon, je prenais ça pour argent comptant, je me disais, bon, je sais pas quel bouquin il brûle, mais visiblement, il les aimait pas, quoi. Alors après, on me disait, oui, il y avait quand même quelques auteurs juifs, etc. Mais bon, c'est simplement parce que c'était des auteurs juifs. Et ah bon, d'accord, ok, très bien. Et en fait, plus tard, par curiosité, quand j'ai, au cours de ma formation intellectuelle, je me suis un petit peu intéressé à toutes ces questions, et notamment à la question de ces fameux autodafés, et j'ai découvert que les types d'ouvrages qui étaient effectivement brûlés par les nationaux-socialistes n'étaient pas des ouvrages pris comme ça au hasard dans les bibliothèques sur les ordres du docteur Goebbels. Il y avait davantage qui suscitaient la colère des nationaux-socialistes. Et j'avais cité un des pères fondateurs donc du mouvement LGBT qui figurait parmi les auteurs dont les ouvrages étaient brûlés en Allemagne. Voilà, mais j'avais pas détaillé. Alors en fait, j'ai décidé, quelqu'un me l'a fait remarquer récemment en disant hey, il serait peut-être temps de revenir sur ce point précis, est-ce que vous pourriez nous éclairer? J'ai décidé de le faire. Donc il s'agit en fait de Magnus Hirschfeld. Alors ce que je vais vous lire là, les extraits biographiques que je vais vous lire proviennent du Times of Israel. Donc, le Times of Israel, c'est un journal qu'on cite souvent ici, qui est un journal israélien. De centre-gauche, centre-gauche, voilà. Donc, la source est juive. Donc, tout ce que vous allez entendre provient d'une source juive. Ce n'est pas une source antisémite, ou révisionniste, ou que sais-je. Hein. Bien. Alors, voici donc cet article. Il y a 100 ans, l'allemand, le Einstein du sexe allemand, a lancé le mouvement des droits homosexuels. Et donc, ils font bien sûr mention de Magnus Hirschfeld. Pendant les années qui ont précédé la destruction de l'Europe par le nazisme, un juif allemand de Berlin a été le pionnier de ce qui est devenu le mouvement moderne des droits des LGBT. Magnus Hirschfeld a été le premier clinicien à prouver que les gays ont plus de risques de se suicider, et fonda le premier centre de santé communautaire, homosexuel bien sûr, au monde pour les personnes LGBT. Sur le plan juridique, Hirschfeld a passé des décennies à tenter de convaincre les dirigeants allemands d'abolir le paragraphe 175, une loi qui criminalisait l'homosexualité. Alors là, on est avant le national-socialisme, hein, c'est avant. Hein. Il y a 100 ans, donc en 1919, donc, Hirschfeld faisait la une des journaux du monde entier en tant qu'Einstein du sexe en Allemagne. Au cours de l'été 1919, il ouvre, donc on est tout de suite au lendemain de la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale, il ouvre l'Institut pionnier pour la recherche sexuelle au cœur de Berlin. Le gouvernement allemand donna à Hirschfeld une villa, donc le nouveau des gouvernements, qui est un gouvernement de gauche. Weimar, hein, Weimar. Voilà. Donc c'est... La proclamation de la République a lieu tout de suite en novembre 19, en novembre 18. La double proclamation de la République. Oui, tout à fait, il y en a eu deux, effectivement. Et donc, c'est donc ce gouvernement-là donc, qui le soutient, qui le finance. Donc, on lui offre une villa pour abriter ses immenses archives, un musée du sexe et divers espaces cliniques. Au cours de la courte vie de l'Institut, Hirschfeld vécut au dernier étage avec son amant. Loin de s'isoler en tant qu'universitaire, il était une figure incontournable de la scène berlinoise de la drague et qui était surnommée Tante Magnesia. Toujours en 1919, Hirschfeld a coécrit et joué dans un film révolutionnaire intitulé « Différent des autres ». L'intrigue était en phase avec le développement par Hirschfeld de protocoles thérapeutiques pour les médecins afin d'aider les patients à accepter leur sexualité au lieu de la réprimer. Donc ça, ça fait écho aux travaux de Freud. Hein. Hirschfeld a compris que la science est politique, a déclaré l'historienne Heike Bauer, auteur du livre paru en 2017, Les archives de Hirschfeld, violence, mort et culture queer moderne. Dans une interview accordée au Times of Israel, Bauer commente l'utilisation de la science par Hirschfeld pour défendre les droits des homosexuels. Donc je cite, « Hirschfeld a mené ce qui aurait pu être les premières enquêtes statistiques sur le suicide homosexuel parce qu'il s'est rendu compte que la vie et la mort des lesbiennes et des homosexuels étaient des sujets tabous. Ses recherches sur le suicide homosexuel s'inscrivaient dans le cadre plus large de la lutte pour la décriminalisation de l'homosexualité », a déclaré Bauer, professeur au Birkbeck College de l'Université de Londres. Né sur la côte baltique en 1868, Hirschfeld a suivi la voie de son père en devenant médecin. Un jour, à l'école de médecine, Hirschfeld a été traumatisé par une conférence qu'il n'oublierait jamais. Le sujet était la dégénérescence sexuelle et le professeur a fait venir un homme gay qui avait été dans un asile pendant 30 ans. La victime a été montrée nue devant la classe et ses différentes déficiences ont été examinées. Apparemment, Hirschfeld était le seul étudiant qui a quitté la pièce, visiblement perturbé. Après l'école de médecine, Hirschfeld a passé 8 mois à Chicago. Il s'est penché sur la scène gay et a déterminé que les homosexuels faisaient face à des défis similaires à Chicago et à Berlin. En 1896, le jeune médecin assiste à l'épouvantable exposition du zoo humain de Berlin. Les esclaves des colonies allemandes en Afrique étaient mis en cage pour le plaisir des visiteurs qui s'émerveillaient de l'exotisme des victimes et des décors authentiques présentés. Après ses visites au zoo humain, Hirschfeld constate que l'homosexualité est universelle et dépasse les cultures. Profondément troublé par les suicides chez ses patients LGBT, il a entrepris de prouver que la... Écoutez bien. Il a entrepris de prouver que la pédophilie est naturelle et ne devrait pas être illégale. À cette fin, Hirschfeld a fondé son comité scientifique et humanitaire en 1897. Connue comme la première organisation de défense des droits des homosexuels et des transsexuels au monde, le principal objectif du groupe était que l'Allemagne abolisse le paragraphe 175, une mission soutenue publiquement par Albert Einstein, Martin Buber et d'autres Allemands célèbres. Bon, ceux-là ne sont pas vraiment allemands, mais vous avez bien compris. Ouais. L'année suivante, le Parlement allemand débattit de l'opportunité de supprimer le paragraphe 175, la loi fut maintenue intacte et les efforts infructueux de Hirschfeld furent décrits comme un acte agressif d'excitation juive. Ne se laissant pas décourager par la défaite, Hirschfeld s'associa à la féministe allemande Helen Stöcker dans sa quête pour décriminaliser l'avortement. Notez qu'il y a des ponts qui se forment déjà. Les deux militants comprirent l'importance de collaborer pour faire avancer leurs mouvements respectifs, notamment en mettant fin aux lois sur le divorce et l'avortement. La femme qui a le plus besoin d'être libérée est la femme en chaque homme, et l'homme qui a le plus besoin d'être libéré est l'homme en chaque femme, déclare Hirschfeld à propos du mouvement pour les droits des femmes. Un an après l'ouverture par Hirschfeld de son institut de recherche sexuelle au cœur de Berlin, le sexologue faillit perdre la vie. Tout l'activisme de Hirschfeld lui avait valu de nombreux ennemis chez les nationaux populistes allemands. Certains membres des communautés juives et gays lui en voulaient aussi d'avoir fait tanguer le bateau. En 1907, Hirschfeld outragea de nombreux Allemands lorsqu'il témoigna au tribunal au nom d'un officier de l'armée accusé d'avoir eu des relations homosexuelles. L'homosexualité faisait partie du plan de la nature et de la création, tout comme l'amour normal, a déclaré Hirschfeld lors du procès. Pour cela, on le qualifia de danger public et son visage apparut sur des affiches à côté de la phrase populaire « Les Juifs sont notre malheur ». Lors d'une confrontation en 1920 avec des militants populistes à Munich, Hirschfeld fut tabassé et faillit mourir. Lors de l'agression, les auteurs lui reprochaient d'avoir introduit l'homosexualité en Allemagne. Il fut laissé pour mort par ses assaillants, mais s'en remit. En 1930, Hirschfeld comprit la situation, comprendre le climat politique en Allemagne, et s'enfuit à New York. Il se lança dans son soi-disant retournement hétérosexuel, une tournée autour de laquelle Hirschfeld se fit passer pour un expert européen de l'amour romantique. Simultanément, il commercialisait un aphrodisiaque appelé Titus Pearls pour une entreprise néerlandaise. Trois ans après, Hirschfeld monta son entreprise en Amérique. Les nazis s'intéressèrent à son institut de Berlin. Dans une orgie de violence, des membres du personnel furent agressés et 20 000 livres furent brûlés. In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Der Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. Wunder! Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse frei gemacht. Les nazis confisquèrent également des listes de patients surnommées Liste Rose afin de localiser et de persécuter les homosexuels allemands. Au cours des dernières années de sa vie, Hirschfeld fit un tour du monde, dont 5 semaines dans le pré-État d'Israël. Il admirait généralement le sionisme, mais exprimait son scepticisme quant aux qualités chauvines du mouvement et son insistance sur l'hébreu. Probablement au détriment du yiddish. La tournée comprenait un séjour en Égypte où Hirschfeld a rencontré la féministe Houda Shaharawi. Il a écrit à propos des pratiques d'amour homoérotique parmi les hommes égyptiens que même Mahomet ne put pas changer. Il marque peut-être un point sur ça. Selon l'auteur Bauer, donc l'écrivain qui a fait une biographie, les préjugés de Hirschfeld étaient visibles dans ses écrits à propos de sa tournée mondiale. Par exemple, Hirschfeld s'aligna sur un leader, Mahomet, qui croyait en la conversion des homosexuels et affirmait que l'islam était sexuellement tolérant. Bauer a également critiqué Hirschfeld pour avoir minimisé le sort des Arabes palestiniens. Petit règlement de compte entre la gauche et les juifs, là. Malgré le fait que la vie et la mort de Hirschfeld aient été soumises à la violence à cause de son travail de réforme sexuelle et de sa judéité, ses écrits sur ses voyages montrent que, contrairement à ses prétentions politiques, il n'a pas toujours appréhendé le monde sur un pied d'égalité, écrit Bauer. En 1935, Hirschfeld meurt à Nice, en France, à l'âge de 67 ans. Sa pierre tombale était gravée de la devise de sa vie, la justice par la science. 6 décennies plus tard, l'Allemagne a aboli le paragraphe 175. Vous pouvez toujours trouver la tombe de Hirschfeld à Nice, la commune d'Estrosi. Ah bon ? heureux papa d'un petit youtre. Donc alors. Youtre. Alors voilà. Alors c'était donc ces gens-là dont on brûlait les livres en Allemagne lorsque le pays a été libéré de l'emprise juive en 1933. Alors je comprends que pendant longtemps ce genre de discussion ait pu paraître bizarre, obscur à beaucoup de personnes, mais je crois qu'aujourd'hui, dans l'Occident actuel, en voie de weimarisation avancée, ces transsexuels dégénérés qui s'exposent partout, ces homosexuels malades, ces lesbiennes folles, ces juifs trônant là-dessus, ça paraît plus réel au public moyen français. Je pense que nos auditeurs peuvent comprendre l'attitude de Joseph Goebbels lors de ses prises de parole à la faveur de ses autodafés. Je crois qu'effectivement, brûler des livres appelant à la légalisation de la pédophilie, écrit par des juifs, n'est pas totalement incompréhensible. C'est pas totalement incompréhensible. Alors du coup, chers amis, vous avez peut-être découvert Magnus Hirschfeld, un des pères fondateurs, hein, celui qui a créé pour la première fois une organisation de défense de la transsexualité, et bon, j'ai cité aussi sur la pédophilie, hein, appel à la légaliser. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? C'est peut-être des choses à dire là, là-dessus. Peut-être Derek ou... Il y a déjà une remarque à faire, c'est que, comme d'habitude... C'est toujours en France que les merdes viennent finir leur vie. Oui, là, il y a quelque chose à retenir, oui. C'est... Oui, oui, oui, des Allemands francophiles qui s'avèrent être juifs. Oui, la francophilie est suspecte, oui. Une maladie suspecte depuis plus d'un siècle. Hein. C'est, ça pose problème, quand même. Hein. Tout à fait. Alors, comment dire bon, c'est pas totalement surprenant, je veux dire. Bon, alors notez bien, hein, c'est la source, c'est le Time of Israel. Hein, c'est pas un papier antisémite. Hein, c'est... Et il parle de pédophilie. Je veux dire, notez bien, le Time of Israel n'hésite pas à dire, voilà, il appelle à l'égaliser de. C'est plus vraiment tabou maintenant. Non, non, en 2020 quand même. Hein, c'est pas faux. Ça passe. Mais ce Magnus Hirschfeld avec son institut, donc payé par le gouvernement, l'État de Weimar, donc, comprenez, chers amis, pourquoi Adolf Hitler est arrivé dans cette porcherie qui était l'État de Weimar, qui finançait des homosexuels qui vivaient dans des maisons. Donc, il me semble que ce Magnus Hirschfeld était entouré de sujets d'études. Je crois, oui, c'est ce qu'on appelle les frics, les créatures de foire, des espèces de femmes à barbe, des transsexuels en tout genre. Ça se prétendait scientifique, mais en réalité, ça avait beaucoup l'aspect d'un bordel, en réalité. Hein. Un bordel homosexuel et transsexuel, quoi. Ouais, exactement. Parce qu'il y a des photos, hein, sur l'article, on le voit, il est en compagnie de toute une série de gens. Il y a des hommes qui sont grimés en femmes. Là, on est dans les années 20. Hein. Et c'est là que le terme de freak, F-R-E-A-K en anglais, a pris son sens. Ouais, de monstre, hein, ça s'appelle. Oui, de monstres, des espèces de créatures bizarres, c'est chez Magnus Hirschfeld. Oui, c'est là, les travelots, ouais. les folles complètement. C'est l'origine, machin, ça vient de là. Ouais. Donc, quand vous voyez des horreurs brûlées par les nationaux-socialistes qui étaient des gens de bien, qui ne voulaient que le bien de leur peuple, et même des alentours, vous devriez leur dire merci, plutôt que de juger... Oui, plutôt de hurler bêtement... Plutôt que de hurler bêtement avec les juifs. Il y a toute une série d'ouvrages, d'ailleurs, qui devraient être brûlés en place publique en France, hein, et bien au-delà, d'ailleurs. Par lesquels? Oh là là, il y en a tellement, mon pauvre ami. Beaucoup de juifs, énormément. Alors, comment dire, il y a un truc intéressant dans la biographie de cet homme, c'est le moment où il est choqué parce qu'il est en fac de médecine. Il y a un professeur qui présente un cas psychiatrique homosexuel, et ça le choque. Donc, on le lit en filigrane, c'est qu'en réalité, il est lui-même homosexuel, et il découvre qu'il est malade. Il est malade, il est cliniquement malade, c'est ça qu'il découvre, et il se dit, mais je prétends soigner les autres, mais en fait, c'est moi qui ai un problème, en fait. Et alors, par un jeu d'inversion et de rejet... De judaïsme. Hein. Voilà, donc il va dire, bah non, en fait, c'est les autres qui sont malades, c'est pas moi. Et ensuite, il va consacrer toute sa vie à ça, c'est-à-dire à normaliser les propres déviances qui sont les siennes, quoi. Hein. Et on voit que vous voyez bien, parce que ça c'est très important à comprendre, c'est que la pédophilie est très souvent liée à l'homosexualité. Hein. Je sais pas si vous le saviez, mais la surreprésentation des homosexuels est de l'ordre de plus d'un pour dix dans les cas pédophilés. Hein. C'est quasiment que tous les pédophiles sont homosexuels. Quasiment tous. À part quelques cas, effectivement, où. Bon, en général, c'est peut-être... Ça peut arriver, je veux dire qu'il y a des... Malheureusement, c'est familial, c'est dans certaines... Oui, ça peut arriver aussi dans ces cas-là. Bah, c'est pas pour rien qu'un PD, ça vient de pédéraste, hein. C'est absolument pas pour rien. Donc, à part le cas de l'oncle ou du père qui viole la fille ou la nièce, la plupart des pédophiles sont des homosexuels. Tout à fait. Et donc, dans sa biographie, c'est très important parce que on voit que, comment dirais-je, il y a une. D'ailleurs, il copie son père. C'est, son père était médecin, il veut devenir médecin. Bon, il découvre qu'il a visiblement un problème avec sa propre sexualité, mais il fait une inversion. C'est-à-dire pour lui, c'est la société qui a un problème, c'est pas lui. Et on voit qu'il amène dans tous ses bouquins, donc il crée un institut de sexologie, en fait, où c'est un véritable bordel, mais où il y a toute une série, il y a même un musée du sexe, donc vous imaginez toute la galerie possible et imaginable. Donc en plus de la faune qui y vient, il développe des théories, hein, avec ses collaborateurs divers et variés, et notamment notamment sur la thématique pédophile. Donc, à mon avis, cet homme-là, son papa Hirschfeld a probablement fait des choses. Juif. Déjà, les voilà. Juifs sont particulièrement portés sur l'inceste. Donc l'inceste homosexuel, oui, ça paraît assez normal. Ça me paraît expliquer beaucoup de choses. Ça me paraît expliquer beaucoup de choses. Là, j'invite quand même les gens à lire le bouquin de Rissen, Psychanalyse du judaïsme. On l'a souvent cité ici. Oui. C'est un bouquin sérieux, je veux dire. C'est un ouvrage très sérieux. Bah ça reprend beaucoup d'écrits des juifs eux-mêmes. Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait... Rissen ne fait pas vraiment de... Commente pas trop. De grandes interprétations, c'est-à-dire que Rissen, c'est un... Il compile les écrits juifs. Tout à fait. Puis, il vous met les choses sous le nez. Il dit, bon, tiens... la pédophilie juive, tiens, on va regarder ce qui correspond. Et puis finalement, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup. Tout à fait. Bon, voilà. Et c'est la force de ces ouvrages en général. Je veux dire, sa méthodologie est bonne parce qu'en fait, il fait parler les juifs. Il les cite avec des sources à la clé. Donc, c'est généralement d'ailleurs des auteurs assez connus qui ont une certaine notoriété dans différents domaines, enfin, dans les différents pays, différents domaines, différentes époques. Mais ce sont souvent des gens qui ont accédé à une certaine notoriété. Et dans l'affaire de Psychanalyse du judaïsme, en fait, Rissen, il a eu un déclic, je sais plus comment il a eu un déclic, mais il a compris que quand Freud, donc qui exerçait entre guillemets à Vienne, hein, donc à la belle époque, quand Freud a établi sa théorie oedipienne sur l'inceste, etc., en réalité Freud parlait de ce qui se passait dans sa communauté essentiellement. Il s'est dit, tiens, en fait, là, il y a toujours pareil, même phénomène d'inversion, c'est-à-dire de phénomène de projection sur les goïms de leur propre turpitude. Il s'est dit, il y a quelque chose à creuser. Et il a commencé à chercher, je pense, à ce moment-là, chez toute une série d'auteurs, et il a trouvé ce qu'il fallait trouver. Il a trouvé ça chez Bernard-Henri Lévy, des gens qu'on connaît. Il a trouvé ça chez toute une série de juifs à toutes les époques. Et vous voyez même que Hirschfeld, ses travaux en faveur de la libéralisation sexuelle en Allemagne, était soutenu par Albert Einstein, qui n'était pas du tout un activiste, n'est pas du tout un activiste politique à l'origine. Hein, c'est un scientifique. Absolument. Et souvenez-vous, pour revenir à Freud, quand Onfray a très timidement ouvert la voie de l'arnaque du complexe d'Oedipe. Les juifs ont hurlé. Souvenez-vous, ils ont surtout hurlé. Surtout Roudinesco, c'est Roudinesco qui a mené la charge contre lui essentiellement. Et le juif romaine. Voilà, et parce que c'est une science communautaire, entre guillemets. C'est pas une science. Tout à fait. C'est pas une science communautaire, Bon, là, on s'attaque à la religion, en fait. La vraie religion, c'est la vraie religion des juifs, c'est pas le judaïsme, c'est le juif lui-même. Juif lui-même, comment il fonctionne par l'inceste, donc par par la psychanalyse. Donc là, s'attaquer à la psychanalyse, c'est s'attaquer à l'essence même du juif, c'est-à-dire être au-delà d'Adolf Hitler. Oui, non, cet ouvrage, Psychanalyse du judaïsme, c'est dans le nom, c'est qu'en fait, il dit, en fait, pour comprendre les juifs, en fait, il suffisait de prendre ce que disait Freud, mais d'analyser les sociétés non juives à la lumière du freudisme, mais d'analyser les juifs à la lumière du freudisme. Et là, tout d'un coup, tout s'éclaire. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'effectivement, c'est des gens qui sont absolument travaillés par cette question d'inceste. Ça ne veut pas dire... Je tiens à nuancer quand même. Oui. Ça ne veut pas dire que tous les juifs pratiquent l'inceste. Mais il y a une très forte prévalence. Et ça a un impact considérable. Ouais. Et alors, un certain nombre d'écrivains, ne pouvant plus retenir... Enfin, ne pouvant plus, ressentant le besoin, on va dire, presque compulsif de s'épancher, écrivent tantôt dans des romans, tantôt dans des autobiographies ou dans des interviews, confirment soit avoir été victime d'inceste, soit avoir des fantasmes d'inceste, etc. On se rappellera de Claude Sarotte. Claude Sarotte ? Qu'est-ce qu'elle avait dit ? Ah, tu ne te souviens pas ? Ça me reviendra, mais si tu me le dis, il faut que tu me le dises. Ben, elle avait déclaré dans une interview à la radio que un ami de la famille venait la toucher, que ça ne lui plaisait pas trop. Mais par contre, quand c'était papa, c'était beaucoup mieux. Ah ouais, elle l'avait dit. Ah oui, bah oui, pas quand même. Oui, bah oui, bien sûr. La vieille youpine qui sort celle qui avait dit que grâce à la Shoah, ils étaient recouverts d'or pendant que les Arméniens étaient encore par terre en train c'est de bandier. C'est ça même, ouais, c'est voilà. Pareil. Claude Sarotte, qui est une juive qui parle à cœur ouvert, donc. Pourquoi Claude a été écarté du monde à un moment donné, puisque vous aimez bien politiquement correct. Un de vos confrères est venu vous défier sur le thème « Tu n'oseras jamais taquiner sur la Shoah » et vous avez écrit « Regardez-nous les Juifs, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah. » Ah, j'ai dit ça à une Arménienne. On l'a vendu partout, on est couvert d'argent, on est vraiment plus fort que vous. Oui, j'ai dit ça parce que c'était un CDN arménien. C'est comme là, ils ont vraiment eu la même chose. Ouais. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est s'asseoir par terre dans la rue. C'était donc Claude Sarotte. Oui, portefeuille ouvert. pas que. Mais c'est un vrai sujet. C'est bon, on peut en rire, mais c'est un vrai sujet. C'est un sujet d'autant plus crucial que ces gens, on va les retrouver. Bon, il y a Hirschfeld qui est une figure, je veux dire, pionnière, hein, et on est dans l'Allemagne. Non, on les retrouve dans tout l'activisme, je veux dire, et il n'y aurait pas, pas de mouvement LGBT, entre guillemets, on LGBT. Madame Blanchet, Charles Gondol. Oui, on pourrait toutes les citer, mais je veux dire, il n'y aurait pas de mouvement LGBT tel qu'on le connaît aujourd'hui qui promeut les transsexuels, enfin toutes les névroses, je veux dire, sans ces gens-là. C'est-à-dire, ils l'ont pensé, ils en ont fait des armes de guerre, même pratiquement, j'allais dire culturelles, mais en réalité même biologiques. Puisque ça s'attaque même à la matrice même de l'humanité, qui est sa matrice reproductive, hein, bien sûr. Et ces gens-là attaquent cette matrice, ils ne se contentent pas de garder ça pour eux, entre eux, ils la projettent sur les sociétés non-juives, pour les dénaturer, en fait. Donc c'est la fameuse tikkun olam, c'est-à-dire réparer le monde, hein, n'est-ce pas ? Pour eux, réparer le monde, ça consiste à projeter leur propre turpitude, comme je l'ai dit, sur les sociétés non-juives. Hein. C'est vraiment ça. Donc, tant que les sociétés non-juives ne sont pas sémitisées, ils n'arrêtent pas. Et... aujourd'hui, on est vraiment... Je crois que... Enfin, Hirschfeld serait très heureux de voir la France de 2020. Enfin, il s'y reconnaîtrait totalement. Ah, oui, la France de 2020, c'est Weimar. Hein. C'est Weimar, mais... Sans aucune contestation. C'est la France de Hirschfeld. Faut pas oublier une chose, c'est que l'un des grands fantasmes des homosexuels, c'est de convertir les hétérosexuels pour élargir leur tableau de chasse. Et c'est maladif, hein. C'est une pathologie. Tout à fait, tout à fait. Pour agrandir le cercle de leurs amis. C'est ça. Je crois maintenant que ce qu'on appelle les thérapies de conversion, oui, destinées aux homosexuels, c'est le crime des crimes. Hein. Ça relève du pénal. Par contre, l'inverse est encouragé, oui, par l'État, hein, et par Marlène Schiappa. Ah, c'est même remboursé. Hein. Exactement. Donc, si tu veux, la voie de l'hétérosexualité vers l'homosexualité, c'est fun, c'est hype. L'État encourage. C'est progressif. Très bien, c'est progressif. Par contre, l'inverse, ça, c'est pas bien. Hein. C'est méchant. C'est réactionnaire. Non, mais là, on est dans le freudo-marxiste, c'est-à-dire que ces juifs appellent à libérer les pulsions, etc. Parce que vous avez toute une série de... Je vous invite à regarder Magnus Hirschfeld, vous allez voir, vous avez des thèses partout. Il y a des photos, hein. Il y a des photos. Alors les photos, oui, c'est important, parce qu'il faut voir le nez de l'individu quand même. Oui, et puis il faut voir le faciès, quoi. L'individu et sa troupe. Oui, sa troupe. Un groupe, oui. De frics, c'est un groupe de monstres. Ouais. Et enfin, il y a toute une série de thèses qui est écrite, et vous pourrez découvrir, si vous faites des recherches sur Google, Magnus Hirschfeld, vous allez voir, il y a des écrits, oui, bon, il y en a un paquet. Et vous allez découvrir le rôle que ce type a joué dans la formation d'organisations militantes qui sont les ancêtres de ce qu'on connaît aujourd'hui. Transsexuels et pédophiles qui sont la même chose. Voilà, ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. La même chose. Et qui a des liens, évidemment, avec le mouvement lesbien, le mouvement féministe qui est très influencé de lesbianisme. Comment dire ? Parce qu'au départ, on a prétendu, bon, les suffragettes, etc., à faire voter les femmes. Oui. Là, bon, ça, c'est le départ. mais l'arrivée, c'est le féminisme radical, c'est le lesbianisme radical, c'est effectivement les thérapies de conversion, c'est-à-dire les femmes qui prennent de la testostérone pour avoir de la moustache. Qui se font couper les nichons. Bon, voilà, c'est la phase finale, c'est ça. Il y a un siècle d'évolution, justement. Hein, voilà, c'est... Je pense que nous pouvons nous arrêter quelques secondes, cher Gandalf, pour nous, oui, et nous recueillir pour nous rappeler qu'il faut haïr les Juifs. Il faut les haïr, oui, de manière tout à fait totale et radicale jusqu'à ce que... Parce que nous n'ayons plus de sujet à haïr. Ça serait bien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme disait cette excellente publication qui était le Stürmer, les Juifs, oui, sont notre malheur. Les Juifs sont notre malheur. Tâchons d'être le leur. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur ces questions de la weimarisation peut-être ambiante ? Je trouve assez étrange qu'il n'y ait pas une fondation de ce brave homme qui soit dirigée par les Mitterrand et les Langues. Oh, ça doit exister plus ou moins. Hein. Si c'est pas à son nom, c'est au nom d'autre chose. Mais Non, mais ce type-là était évoqué. Moi, j'en ai entendu parler au journal. Je pense que c'est au journal de 20h ou de 13h, samedi, un truc comme ça. Ils en ont parlé de manière dithyrambique. Hein. Militant des transsexuels. Ouais, militant des droits de l'homme. Des droits de l'homme, de l'égalité, etc. Des sexualités. Voilà. Oui, la mort des enfants. Ça va. Ils ont passé ça. Là. Je suis à peu près certain de l'avoir vu sur France 2. À peu près certain. Enfin voilà, en tout cas, nos auditeurs savent maintenant de quoi ils retournent quand on leur parle donc d'autodafé dans l'Allemagne nationale socialiste. Oui. Non, il ne s'agit pas de brûler des poèmes d'artistes du 19e siècle dans un hypothétique retour à la barbarie. Non, c'est justement d'échapper à la barbarie. C'est oui, exactement ça. C'est d'échapper à la barbarie juive. C'est-à-dire que quand vous voyez des livres de brûlés, des autodafés avec des musiques angoissantes, dites-vous que... C'est le juif qui pleure parce qu'on est en train de cramer ses bouquins à la gloire de... Enfin, appelant, oui, la pédophilie. Oui, dites-vous que c'est... En fait, vous pouvez pleurer, mais pleurer parce que ce ne sont que des livres qui ont brûlé. Oui. On aurait aimé que ce soit autre chose. Hein. Moi, j'aurais aimé que ce soit autre chose. Mais ouais, mais ça sentait un petit peu moins bon, mais bon. Toi, tu es plus, voilà, tu es plus, plus Philippe Lebel, toi. Hein. C'est plus ton truc déjà. Hein. Oh oui, moi, tu sais que j'ai des antécédents familiaux qui font que nous avons une appétence particulière pour le barbecue. Ouais. Il aime beaucoup Philippe Lebel. Beaucoup, beaucoup. Notre ami Derek, effectivement. Bon, bah, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.